c'était terminé. Merci pour ce soir. Hein. C'était encore une super soirée là, avec vous. On a bien attaqué la semaine. Là. Dès demain, 20h, 23h, on sera là aussi sur Fun Radio. Il est 23h, c'est Mickaël maintenant qui débarque. Oui, Mickaël, oui. Comment ça va, Mickaël? Ça va. En pleine forme? Salut la team. Très bon week-end. Et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Eh ben moi, rien. J'ai rien foutu pour un week-end. C'était cool. Ah bah sans déconner. Ah pépère, j'ai rien foutu dans la game TV, je suis resté tranquille. Il te pose la question, c'est pas ça, c'est est-ce que t'as baisé ce week-end ou pas? Parce qu'en fait, c'est quand Karel pose la question, il commence. C'est voilà. Pas vrai, putain. C'était vache maigre ce week-end. Attends, je sais que le seul que t'as. Et là, tu dévoiles derrière, c'était vache maigre. Le seul que t'as dans l'équipe de Mickaël, c'est Toff. Oui, non, c'est le seul qui prétend être. Et c'est celui qui. Il est tout le temps en train de se vanter, ouais, j'ai niqué à droite à gauche. Mais c'est comme toi. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça une seule fois, Karel? Mais et tout le temps. Je vous entends dans le bureau avec Polo en train de parler de ça. Et Toff, t'es tout le temps en train de dire putain. Doucement, ne salis pas l'image que j'ai de Toff. Je l'ai niqué, je lui ai mis, mais attends, c'était trop bon et tout. Non, parle pas comme non, ça. Non, ça c'était Maxime, notre producteur. Voilà, c'est ça. Je l'ai débourré. Je l'ai rebourré. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Plutôt comme ça, oui. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes classe et glamour. Toujours. J'adore la finesse. Je pensais avoir reconnu Toff. Mais je me suis trompé. Ouais, alors, tu t'es trompé de bureau. Exactement. Je vous embrasse. C'était peut-être celui du sous-chef, je ne sais pas. Parlons-en. Pas. Bon, bah, bonne soirée à vous. Bisous, salut, à demain. Salut. À demain 20h, ciao. Ciao. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur Fun Radio. Vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à nous rejoindre, la grande famille de l'émission Mickaël No Limit. Parce que vous le savez, il se passe enfin quelque chose le soir et un peu la nuit aussi à la radio. Et c'est ici, sur Fun Radio, que ça se passe. Donc continuez à le faire savoir autour de vous. On est là du lundi au jeudi, de 23h à 2h, et puis tous les dimanches également, de 20h à minuit. Est-ce que t'as déjà prévenu tes potes que tu passes à l'antenne, Cédric, toi? Eh, carrément, là, ils attendent plus que ça. Ah, très bien. Bah, bienvenue à toi, Cédric. Toi, t'appelles de Rennes, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est les Bretons, les bonnets rouges. Eh ben, on embrasse tous les Bretons, évidemment. Et attention, je rappelle qu'on sera en Picardie le dimanche 9 février. On va faire l'émission en direct de la Picardie. On sera à Noyon, voilà, chez Olivier, un prof de maths, qui apparemment va inviter ses élèves. Alors, est-ce qu'il va inviter que ceux qui auront des bonnes notes ou est-ce qu'il va inviter tout le monde? Je ne sais pas. Mais on fera l'émission en direct de chez lui. Alors, a priori, on sera dans son salon. Ce sera donc le 9 février en direct de Noyon. Et puis, on aura l'occasion de passer la journée aussi avec vous sur Noyon. Hein, je sais pas ce qu'il y a à faire à Noyon, mais on trouvera bien d'ici là. Ah, mais oui, il y a toujours des trucs à faire à Noyon. Très certainement. Bon, au pire, il y a la cathédrale à visiter, quoi. Bon, c'est parfait, ça. Cédric, t'as passé une bonne journée, un bon week-end? Ouais, carrément. En ce moment, je fais des allers-retours à Paris, donc voilà. Ah bon, voilà, mais ça va. Tu fais quoi? Bah, je vais voir ma copine. Ah d'accord. Oh, c'est mignon. Ah ouais. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs. Ah bon, parce que quoi, tu fais trop de route? Non, pas du tout. J'appelle pour tu veux que je t'explique? Bah en deux mots. Eh ben en gros c'est voilà, c'est tout. Idée pour pas avoir la routine et l'impressionner, quoi. D'accord, ok. Ah, pour éviter la routine. Ah oui, ça c'est ce qui tue tout en fait. Hein. Bon, on en parle dans un instant. Ne bouge pas de là. Donc si comme Cédric vous avez envie de venir parler avec nous, eh bien vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique et vous tomberez sur Sandro qui est en pleine forme. Bah ouais, en pleine forme. Eh ben tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Bah ouais, en pleine forme. Bah oui, j'ai bien mangé ce soir, tout va bien. Ah, et ben voilà, comment va le régime? On en est où en termes de kilos là? Je sais pas, parce que je le fais bien et je perds pas. Ah, c'est con. Mais ça. Non, mais c'est normal, il y a des phases. Oh, il y a des phases où ça va descendre et des phases maintenant. Où ça stagne. Ouais, voilà, ça stagne. À voir. Là, elle est en phase stagnante. Exactement. Ouais. Toff qui est également en pleine forme ce soir pour se faire de nouveaux amis. Hein. Mais vous faire foutre, je fais des têtes de con. Vous me faites chier. Voilà. Vous toujours. Prenez les suces des nains. Exactement. Je les aime. Exactement. Les bon, et puis Polo aussi qui a stické son pipeau toute la journée. Là, je vrai talent, vrai talent de pipoman. Voilà, et puis ce soir on aura aussi du son dance floor bien sûr, avec le son de Pharrell Williams. Et un son que vous avez découvert en exclu total sur Fun Radio, même si d'autres radios essaient de prétendre l'inverse, mais c'est faux. David Guetta, que vous avez découvert samedi soir dans Party Fun. David Guetta, le nouveau Shut Me Down, qu'on aura l'occasion de vous faire écouter tout à l'heure. Il y aura Afrojack aussi avec The Spark. Je vous calerai le son de Martin Garrix, le Hollandais avec Wizard. Et puis bien sûr, le nouveau son d'Avicii, le DJ Fun Radio, Addicted to You. Ça, c'est ce qui se passera tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis, bah, si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah, n'hésitez pas surtout à vous demander. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également. Venez nous rejoindre, hein, vous êtes nombreux et nombreuses, là, plus de 333 000 sur le Facebook de l'émission, alors qu'on est là depuis seulement 5 mois. Ou 6 maintenant déjà. Tu as 6. Ah, ça fait 6 déjà. Non, c'est pas possible, pas 6. Pas déjà 6 mois. Bah, on a commencé le 22 juillet. Bah, 22 juillet, 22 août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ah oui, 6, putain, ouais, ça va. Dans 2 jours. 6 mois déjà. Ouais, enfin, ouais, non. Non, demain, on est le 21 là. Non, on 22. Est le 20 encore. On est le 20. Ah oui, bah, ah oui, non, c'est vrai, on est le 20. C'est 21. La machine qui est complètement pétée là. C'est très bien, magnifique. Oui, pour la. Est-ce que les gens se sont bien rendu compte qu'on avait une très bonne notion de la date qu'on est aujourd'hui? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je suis tronqué parce que si tu veux, on a la table de mixage, il y a une horloge dedans, hein, si tu veux, il y a un truc automatique. Et personne n'a changé l'heure, donc on est encore à l'heure d'été. Donc comme il est minuit 6 sur l'ordinateur, bah en fait on est déjà le 21. Forcément. Voilà, donc c'est là que ça m'a mis dans la merde. Bon, c'est pas grave. Ça hein, c'est le stagiaire qui a pas mis à jour. Mais c'est la faute du stagiaire, mais comme d'habitude. Tout ce qui mérite c'est une claque évidemment. Bon, vous pouvez donc réagir évidemment à l'émission avec le hashtag Mickaël. Et ça fait plaisir d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux chaque soir à envoyer vos messages. Ce soir d'ailleurs, attention, pas de top tweetos. Ouais. Bah oui, il revient demain, oui. Dès qu'on aura réparé la machine, ouais. En fait, on a un programme qui compte les messages, il a complètement bugué hier. Donc, bah, du coup, faut attendre un petit peu. Mais demain, normalement, ça devrait remarcher. Donc, ce soir, pas de top tweetos, mais vous pouvez quand même envoyer vos messages, bien entendu. Hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Comme, qu'est-ce qu'il y a, Orgagasmi qui dit la routine égale ennemi du couple. Let's Be Freaks qui dit hello la team. Et bah, salut Let's Be Freaks. Dylan également, deux coups de pelle pour Toff. Un défi au collège de poil et un message de bienvenue pour un pote. Et bah, alors, deux coups de pelle pour Toff, ça, c'est pas un problème, hein. Voilà. C'est le toujours un plaisir. Bienvenue avec plaisir. Mon grand-mère est suce des nains. Voilà. Et puis l'autre, j'ai oublié ce que c'était. Et Gaël qui dit toujours au taquet, vive la Picardie. Eh ben, on y sera le 9 février. Et Axel qui dit Sandro qui respecte un régime, mais ça va durer jusqu'à quand? C'est ça la grande question, en effet. C'est ça la grande question. Je ne sais pas du tout jusqu'à quand ça va durer, justement. Balance man. Et puis, man. Eh ben, vous avez peut-être reconnu ça. C'est dans Rasta Rocket, hein, c'est la Jamaïque qui est qualifiée pour les JO d'hiver à Sochi. Je vais y arriver. Voilà, ce qui n'était plus arrivé depuis 2002. Et les pauvres, bah, il leur manque encore 60 000 euros pour y aller. Ouais, c'est con. Hein. Bah, moi, je voulais les soutenir, les pauvres. Oh, les pauvres. Bah, ouais, les pauvres, ils leur manquent 60 000 euros. Ils ont pas assez d'argent pour aller où? À la Coupe du Monde? Ah non, aux JO. Aux JO d'hiver. Aux Jeux Olympiques d'hiver. Ouais. Oh merde, pour acheter le matos, c'est tout. Voilà, c'est ça. Parce que les pauvres, ils sont arrivés, ils sont qualifiés. Et puis, trop tard, vous pouvez. Et bah, c'est dommage. Et donc, c'est le 7 février, donc on fera un point pour voir s'ils ont réussi à réunir assez d'argent. Je vais mettre le lien sur le Twitter, notamment, hein, twitter.com. Vous tapez Mickaël_officiel pour venir m'ajouter. Je vous mets le lien des fois que vous ayez envie de faire un don. Mais même un euro, les pauvres, même un euro, aller, quoi. Bah oui, un euro plus un euro égale 2 euros. Ah bah non, 3. Bah non, Teuf. Selon tes calculs, de Teuf. Un euro plus un euro égale 3 euros. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ce que je me disais aussi, tiens. Bon, et puis on va donc récupérer Cédric. Cédric, pour parler donc d'amour et surtout de routine, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, parce que ça fait un an que je suis avec ma grosse, tu vois, bon, ça se passe nickel, mais quand je vois que des fois les potes un peu qui rentrent dans la routine, là, qui se mettent déjà en mode un peu papy-mamie, tu vois, j'aimerais avoir des conseils pour éviter tout ça, quoi. Bah, toi, t'as l'avantage de pas vivre avec elle, donc ça évite déjà la routine, hein, quand même, pour le coup. Ça évite quand même un peu. Bon, Cédric, dites-nous, tiens, si vous êtes déjà tombé dans la routine avec votre copain ou votre copine, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à en sortir? Est-ce que vous êtes mort dedans, hein? Bah, appelez-nous. Donc 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Cédric, reste avec nous. On en parle dans quelques minutes et on a d'abord Mickaël avec nous. Salut Mickaël. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, super, en pleine forme, Mickaël. Bienvenue à toi. Alors, Mickaël, tiens, j'ai une question, j'ai posé une grande question existentielle sur le Facebook ce midi, parce que je savais pas où aller, McDo ou Quick. Est-ce que tu préfères McDo ou Quick, Mickaël, toi? Ah, mais largement McDo. Largement McDo, d'accord, ok. Bon, moi j'ai fait Quick pour le coup, hein, mais je vous avais posé la question sur le Facebook, donc allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, alors, Mickaël, on va parler cadeau maintenant, puisque tu vas pouvoir repartir peut-être avec le casque Beats by Dre, ou alors la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, la haut de gamme, qui vaut plus de 450 euros qu'on t'offre si tu arrives à niquer tout le monde, en gros, hein. Il faut que tu arrives à poser une colle et si personne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Vas-y, on t'écoute. Alors, la colle, c'est: je suis une nourriture toujours chaude, même à long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je? Voilà, je suis une nourriture toujours chaude, même à long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je? C'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, vous y allez dès maintenant, là, hein, comme des bourrins. N'hésitez pas, tapez Mickaël, espace, la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer. Je viens de vous mettre la colle sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous venez, il y a la colle qui vient d'apparaître, là. Et puis, bah, si vous avez la bonne réponse avant minuit, on vous appelle en direct sur Fun Radio. Si vous avez la bonne réponse, c'est vous qui gagnez et pas Mickaël. Et si vous n'avez pas la bonne réponse ou que vous ne décrochez pas, à ce moment-là, c'est Mickaël qui gagnera la GoPro Hero 3 Plus Black Edition qui vaut plus de 450 € ou alors le casque Beats by Dre. Mickaël, on te récupère tout à l'heure, d'accord ? Ça marche, à tout. Allez, à tout à l'heure. Et Cédric, on va parler avec toi dans quelques minutes, promis. Et le son de Pharrell Williams, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat, comme tous les soirs du lundi au jeudi. Faites passer le message à vos potes. Il y a enfin un truc à écouter le soir sur Fun Radio que ça se passe. C'est sur Fun Radio que ça se passe. 23h, 2h sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël No Limit. Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer. 23h12, Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Le dimanche également, on est là à partir de 20h sur Fun Radio. Et puis il y a Thibaut qui dit un message de bienvenue, s'il te plaît. Bah, avec plaisir. Vous me faites chier. Voilà. Il y a Ludwig aussi qui dit c'est quoi le hashtag JPS. Tout le monde dit ça. Bah, c'est Jean-Pierre Sauzet. On aura un espèce de gros débat ce soir à propos de Jean-Pierre Sauzet. Donc restez bien là, on en avait parlé hier soir entre 20h et minuit. Et Julien qui dit l'amour c'est de la merde. Oh non Julien, faut pas dire ça. C'est parce que t'as eu un mauvais délire avec l'amour. Mais on en parle dans quelques minutes, ne t'inquiète pas. La colle, on va en reparler avec Mickaël, Cédric également. Les filles, les mecs, appelez-nous puisque bah, Cédric voudrait avoir des idées pour sortir de la routine. Voilà, la routine, c'est ce qui tue tout et donc il voulait en sortir. On va en parler dans quelques minutes sur Fun Radio. On est en direct, venez, appelez-nous. D'où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. En Belgique, le 02 851 4x0. Et puis bah, le son de Pharrell Williams, on écoute ça maintenant. C'est Happy sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Le son de Pharrell Williams sur Fun Radio jusqu'au bout, on est en direct, il est 23h17, il y a Julien qui dit merci Mickaël d'avoir lu mon message, moi je crois en l'amour et j'ai eu qu'une seule meuf. Eh ben voilà Julien, alors c'est beau, c'est de la merde. Beau. Axel qui dit en sortant du taf, rien tel qu'un petit Mickaël No Limit pour se détendre. Eh ben on fait ce qu'on peut, en tout cas merci Axel d'écouter. Et salut toute l'équipe, c'est possible de faire un coucou à Jessica. On a nos partiels demain et on stresse trop. Gros bisous, je vous adore, trop bien les soirs en votre compagnie, c'est Solène. Eh ben gros bisous Solène et bonne chance à vous. Et puis Mr Skyblue qui dit go go go pour la meilleure émission du monde, on déchire tout avec Mickaël. Merci Mr Skyblue, on est là jusqu'à 2h du mat, donc faites bien passer le message avec tout le monde, bien entendu. Retour avec la colle et Mickaël avant de récupérer Cédric, Maxime et Fred. Mickaël, tu es toujours là ? Oui, oui, je suis toujours là. Très bien, on va se refaire plutôt la colle maintenant pour savoir un petit peu qui va peut-être repartir avec cette GoPro, la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, c'est le haut de gamme, ça vaut plus de 450 €. Vous pouvez mettre la GoPro, c'est une petite caméra sous plastique qu'on peut mettre n'importe où. Si vous faites du sport extrême, c'est parfait. Ah, si vous en faites pas, c'est pas grave non plus. Hein. Vous pouvez prendre des photos, filmer via le téléphone, enfin via votre smartphone ou même via la télécommande. Tout est fourni. Ou alors tu peux choisir aussi le casque Beats by Dre, ça c'est toi qui gères. Bon, Mickaël, pour gagner ça, il faut poser une colle et il faut surtout que personne ne trouve la bonne réponse. Puisque si quelqu'un trouve la bonne réponse et passe à l'antenne, c'est lui ou elle qui gagne et tu perds. D'accord ? Oui. Bon, allez, fais péter la colle, vas-y, on t'écoute. Alors, je suis une nourriture toujours chaude, même à long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je ? Bon, je suis une nourriture toujours chaude, même à long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je ? C'est bien ça ? Oui. Bon, très bien. Allez, t'es dans si les chiottes avez... Ouais, t'es dans les chiottes là ou t'es où là? Parce que ça, il y a de l'écho. C'est bizarre. Non, c'est pour ça. T'es où? J'ai le haut-parleur. Ah, mais il faut enlever le haut-parleur, comme on le dit tout le temps, Mickaël. Ne jamais passer à l'antenne avec le haut-parleur ou le kit mic. Jamais. Bon, on propose un glaçon, Mickaël. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est teuf. T-E-U-F. C'est pas ça? Une femme en chaleur. Teuf. Non plus. C'est ta mère. Non plus. Un hot dog. Non. On proposait une crème brûlée également. Non plus. Non plus. Bon bah très bien. Bah si vous avez la bonne réponse, et Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. On vous attend nombreux et nombreuses à débarquer sur le Facebook. facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un petit j'aime et puis vous nous suivrez comme ça comme les 333 000 autres fans qui sont sur le Facebook de l'émission en même pas 6 mois. Merci beaucoup d'avoir fait passer le message avec autant de personnes. Bon bah Mickaël, on te récupère avant minuit puisqu'on donne la réponse avant minuit, d'accord? Ça marche. Allez, ça roule et reste avec nous puisqu'on écoutera aussi David Guetta. T'as entendu le nouveau David Guetta déjà sur Fun? Ouais, Shut Me Down. Il est bon, hein? Ouais. Teuf, t'aimes bien? Teuf, ouais, c'est dur. Teuf, il adore. Shut Me Down, on écoutera ça tout à l'heure sur Fun Radio. Voilà, je vous le cale dans moins de 10 minutes, hein, donc restez bien là. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, hashtag et Mickaël, n'hésitez surtout pas. Bon, il y a un sondage sur la sexualité qui est tombé. Ah. Sexualité des Français qui vient tout juste de sortir sur le site féminin.com. Et j'ai appris qu'il y avait 27% des Françaises qui n'avaient qu'un seul homme dans leur lit. Et que seulement 29% des femmes arrivaient à l'orgasme à tous les coups. Même ça, c'est parce qu'elles me connaissent pas. Ouais, non, bah justement, c'est bien ça. Tu vas t'y calmer, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, 55% des Françaises trouvent les sextoys vulgaires et seulement 22% en ont un à la maison. C'est dingue. Ah oui, c'est ça nul, me paraît ça. Peu quand même. Hein. Bah oui, c'est nul. Enfin, depuis qu'on en offre évidemment grâce à passagedudésir.fr, la moyenne doit certainement remonter un petit peu. Mais venez nous dire justement si vous avez des sextoys chez vous ou si vous les utilisez. Toi, va poser la question à des amis, bien entendu. Ah bah évidemment, je pense que la France doit me répondre et la Belgique également. Évidemment. Votre grand-mère est suce d'aine. Bon, on aura peut-être ce monsieur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous connaissez des gens qui sont encore debout à cette heure-ci et qui sont un peu nerveux, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas à donner les numéros de téléphone pour qu'on puisse en appeler. Vous envoyez les numéros de téléphone sur le mail de Tof dès maintenant, toph@funradio.fr. Voilà, Cédric. Yes. Toi qui es avec ta meuf depuis combien de temps maintenant, dis-moi au fait? Ça fait un an. Bon ben, toi qui es avec ta meuf depuis un an, tu nous avais appelé parce que tu voulais pas la routine, t'avais peur de la routine, etc. Est-ce qu'elle a des sextoys? Ouais. Ah non, pas encore. Non, mais en vrai. T'es sûr, t'en as jamais trouvé un dans le tiroir comme ça, non? T'as bien cherché? Non, elle en a pas. Ouais, bah cherche un peu mieux parce qu'à mon avis, il doit y avoir des trucs qui traînent. Hein. Mais tu sais, t'as pas besoin d'avoir un vrai sextoy acheté en plastique. Tu peux utiliser un concombre ou des trucs ouais, comme ça. Non, mais il y a des personnes qui utilisent. Oui, c'est vrai. Mais t'es plutôt un sextoy. C'est mieux, c'est fait pour. Oui, ce sont des légumes. Ouais. Je dis ça. Ça peut se casser à l'intérieur. Parce qu'après. Moi, je connais une émission où il y a une meuf qui avait une pomme de terre à l'intérieur. Ah, donc oui. Bon, Ouais, c'est hardcore, ça. Ouais, je confirme. Donc, mettez pas n'importe quoi non plus. Hein, surtout pas le nez de Tof. Non. Parce que ça peut rentrer, mais c'est particulier après. Le problème, c'est que les narines, après, ça fait ventouse. Quoi. Bah, voilà, c'est ça. Et après, ça reste bloqué. Bref, c'est une tanasse. Bon, il y a Fred également qui est avec nous de Lyon. Salut, Fred. Il est décédé. Fred! Bon, on va le rappeler, c'est pas grave. Bon, Cédric, pour en revenir à toi, là, que tu disais que t'avais peur de la routine, mais elle t'a déjà fait, une remarque, ta meuf? Non, pas trop, tu vois, mais je vois que ça peut vite arriver, puis en plus, t'as la Saint-Valentin bientôt et tout, et c'est vrai que... Oh, qu'est-ce que ça me gonfle, cette Saint-Valentin, là, c'est vraiment le truc qui me fait le plus chier au monde, ça. Quitte-la avant la Saint-Valentin, j'ai des potes qui faisaient ça, et c'est véridique, ils quittaient leur meuf, exactement. Quelle bande d'enfoirés. La Saint-Valentin passée, ils ont pas acheté de cadeaux, il y a pas eu de soirée romantique, pas de fleurs, hop, ils la récupèrent. C'est dégueulasse. Les mecs qui font ça, je trouve ça honteux. Ouais, c'est ça. Mais attention, c'est la pire période qui arrive, là, on croyait que c'était Noël et Nouvel An pour Tof, mais non, c'est Saint-Valentin. Ouais, parce que forcément toutes ces meufs vont vouloir. Non, mais c'est même pas ça. Il est demandé surtout. Toutes les meufs vont vouloir se dire bah je passe la Saint-Valentin avec mon mec, mais alors comment faire? Il fait comme les grands DJ en fait, il fait une voiture pourrie avec son Libre. Ouais. Non, pas du tout, c'est le week-end où je suis toujours malade. Ouais, c'est ça. Il m'arrive toujours une gastro à ce moment-là. C'est ça. Et ce qui est bien avec février, c'est que ça correspond pile à la date où il y a des grosses gastro, donc c'est parfait. Il est tellement con qu'il balance ça à l'antenne. Bravo Teuf. Effectivement, pour le coup, c'est quand même pas très futé. Hein, enfin, bon, et donc Cédric, on dit la vérité ou pas? De quoi? Bien sûr, vas-y, y a pas de problème. Bon, donc Cédric. Ouais, moi je vais pas faire le break pendant la Saint-Valentin, tu vois, je vais essayer d'être... Non mais t'as raison, Mais alors un autre truc, elle t'a déjà fait une remarque par rapport à ça ou pas? Non mais tu vois, enfin je pense qu'elle va, elle oserait même pas le dire, c'est que c'est moi qui m'en aperçois, tu vois, tu la vois, bon tu fais un peu tout le temps les mêmes trucs et... Innove, si tu vas par exemple... Non, c'est pour ça que je t'appelle. Mais t'es genre t'as pas d'idée, tu fais quoi d'habitude avec elle? Ah bah en fait, tu vois, comme je termine moi le taf le samedi, je la vois le dimanche juste la journée et je repars le soir même. Mec, t'es sérieux? C'est-à-dire que tu la vois une fois par semaine et t'arrives déjà à avoir la routine? Non, ah oui. Mais ça va, c'est, je veux dire, c'est répétitif, tu vois, tu la vois une fois par semaine, à chaque fois et tout, donc, qu'est-ce que tu peux faire en une journée ou un week-end pour Mais il y a plein de trucs, tu peux faire ici, tu peux faire un resto, tu peux passer un truc romantique, tu peux, un jour il pleut, en plus, là, t'es en Bretagne. Tu m'emmènes sous la pluie. Mais non, justement, tu sais, une petite journée où tu te mates des films sous la couette, pépère, c'est non, bien mais, aussi. Non, mais elle vient pas en Bretagne, c'est pas ça, elle est à Bretigny, donc je vais à Bretigny. Eh ben, Bretigny, c'est pas grave, t'inquiète pas, il pleut là-bas aussi, c'est pas grave. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, tu passes une petite journée sous la couette. Enfin, faut pas toujours faire la même chose, évidemment, mais il y a des moments où c'est. Accompagne-la faire les courses. Ah, génial. Bah, Carrefour avec elle. Ah, hein. Super. Bah, wow. Non, mais comme ça, il portera ses sacs. So romantic. Ah, ouais, c'est clair. Attends, il y a Fred aussi qui est avec nous, Lionel. Salut Fred. Salut. Comment ça va? Salut. Allez, au taquet Fred. En pleine forme Fred. Ah toujours, hein, toujours. Ah ça va alors. Bon Fred, alors toi tu avais des conseils aussi pour éviter la chaque fois j'oublie ce mot. La routine. Voilà c'est ça. Ouais. Non moi en fait c'est plutôt un truc qui m'est arrivé en fait. Ah c'est quoi? Ben, en fait ça faisait 3 ans que j'étais avec ma meuf. Ouais. Et donc on commençait à tomber dans la routine et un jour elle m'a dit je sais pas tout ça pour ton anniversaire. D'accord. Et donc, le jour même, on couche ensemble, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, elle me met un stop. Deux. Et elle me dit, et je vois sa mère qui rentre. Ouais, alors quoi ouais. Et en fait, c'est là que j'avoue que ça faisait, je sais pas combien d'années que je connaissais ma meuf, mais pourtant, je savais pas qu'elle faisait des pratiques sexuelles avec sa mère. Oh, quoi et donc, mais t'es dégueulasse. Attends, tu te fous de notre gueule. Non, même moi qui suis super ouvert, ça me choque. Non, t'es sérieux? Si. Et donc, sur le coup, j'étais excité. Donc, c'est allé, on va dire, mais... Non, je viens de tuer Toff, mais c'est pour autre chose. Après, voilà. C'est, non, pas, mais attends, tu vas me faire croire que tu sors avec une meuf, il y a un peu de routine, machin, etc. Et pour casser la routine, ta meuf fait venir sa mère pour que vous fassiez un truc à trois. Un cadeau d'anniversaire. C'est pas possible. Bah quel cadeau d'anniversaire, dis donc. Putain, moi j'ai ça comme cadeau d'anniversaire. Je dis, écoute-moi bien, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu te casses, t'as compris? Mais non, encore, elle fait venir sa meilleure amie, un peu mignonne, tout ça, ou sa copine, enfin peu importe, mais. Ouais. Mais là, non, la mère. Mais pas la mère. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois que la daronne était bonne. Hein. Toutes les autres fois, je serais parti en courant. Mais quel âge est là? T'es encore avec elle aujourd'hui? Ah non, non, le jour d'après, en fait, je l'ai quitté. Parce que sur le coup, après, ça m'a dégoûté. Putain, mais ça fait combien de temps là que t'étais plus que. Que t'étais avec elle? Ça fait 2 mois maintenant. Bah vas-y, viens, on l'appelle. Comme ça, nous, on demande là pour la mère et tout. Toff, il va t'intéresser. Hein. Bah, faut voir à quel âge la mère. La mère, elle doit avoir 40. Ah ouais, non, vas-y, voilà, c'est ça. Bon, t'as le numéro là? Ouais, je dois avoir le numéro de la fille. Hein. Bon, alors attends, bouge pas, Fred. Je vais te passer son nom là, bouge pas. Cédric, reste avec nous aussi. On va revenir avec la colle dans quelques minutes. On va faire les premiers appels avec Toff. Et attention, j'ai presque oublié. Ce soir, c'est le. C'est le. Passage du chéri, je peux te faire ton cul. Oh là là, c'est tous les lundis là, vers minuit. Oh là, putain, c'est dingue. Bon, si vous voulez. C'est ça. Bon, si vous voulez piéger votre copain ou votre copine, je rappelle que là aussi, il y a même des consoles à gagner ce soir pour le chéri, je peux te faire cocu. Les Wii U, voilà. Donc, si vous voulez jouer avec nous, on appelle votre copain ou votre copine. Donc, le but, c'est de lui faire croire que vous avez rencontré un autre mec ou une autre meuf en fonction d'eux. Et puis, vous lui faites croire simplement que cette personne a envie de coucher avec vous, mais juste un soir. Et donc, comme vous êtes plutôt cool avec votre copain ou votre copine, et vous lui demandez la permission. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, on joue dans 30 minutes. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et ladies and gentlemen, attention, je vous l'avais dit, je vous fais découvrir maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là évidemment ce week-end, puisque Fun Radio a été la première radio à vous passer le nouveau son de David Guetta, puisque c'est un peu la radio de David Guetta, Fun Radio, le nouveau Shut Me Down. Maintenant sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite, bienvenue. I was and he was 6. Le nouveau son de David Guetta sur Fun Radio avec Bang Bang, c'était Shut Me Down. Et évidemment, vous aurez certainement reconnu la petite touche de Tarantino, bien entendu, hein, qu'il avait, qui avait été. Bon, c'est que le début qui ressemble pour le fiction, coup. Hein. Ouais. Pulp Fiction, bien entendu. Bang. Bon, alors voilà, David Guetta que vous avez découvert sur Fun Radio et on vous le remettra avec grand plaisir. Putain, c'est crasseux avec la mer. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, c'est sûr. On va récupérer Fred dans un instant. Là. Donc Fred, l'histoire, c'était que il avait. Alors, on avait démarré avec Cédric son histoire sur la route. Il avait peur que la routine s'installe dans son couple. Et du coup il y a Fred qui dit que lui en fait pour son anniversaire sa copine, comme il y avait un peu de routine en fait, a fait venir sa mère pour faire un plan à trois. Donc au début je me dis attends, il se fout de notre gueule. Mais non, parce qu'il est d'accord qu'on appelle son ex-copine pour qu'on lui demande. Donc on va, je ne comprends pas. J'ai très peur de ce qui va arriver dans un instant, mais ça va arriver, ça c'est sûr. Bon allez, on va faire quelques appels également, puisque vous avez été nombreux déjà à donner des numéros de téléphone à Toff, puisque nous sommes tombés sur cette magnifique enquête. C'est un sondage plus particulièrement sur la sexualité des Français. Et donc on y apprend que 27% des Françaises qui n'avaient disent qu'ils n'ont qu'un homme dans leur lit. Ouais, ça c'est triste. Enfin, qu'elles n'ont qu'un homme dans leur lit. C'est que vraiment seulement triste. 29% des femmes arrivent à l'orgasme à chaque fois. 55% des Françaises trouvent des sextoys vulgaires. Et seulement 22% en ont un à la maison. Ce que je trouve un peu bizarre. Ouais, mais heureusement. C'est ridicule. Mais depuis qu'on en offre grâce à passagedudésir.fr. Évidemment, ce chiffre risque d'augmenter fortement. Bon, allez, on y va, on appelle. Donc, c'est le but, c'est de voir s'ils ont des sextoys à la maison. Exactement. Très bien. Allez, c'est parti. On y va. On appelle le premier ou la première. C'est maintenant que ça se passe sur Fun Radio. Il est 23h32. Et on est toujours en direct, évidemment. Allez. Et ça ne décroche pas, c'est parfait. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez des sextoys chez vous. Ah, va te faire foutre. Mais enfin monsieur. Ah oui, bah là, ça a le mérite rapide, d'être court, efficace. Ah bah ouais, ça c'est clair. On va le rappeler. Va te faire foutre, allez, directement. Est-ce qu'on va faire mieux là ? Je sais pas. Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Ouais, va te faire enculer. Mais non monsieur, enfin. C'est de mieux en mieux, mais alors quel sera le prochain appel ? Parce qu'on va le rappeler, vous pensez bien ? Ah bah, donc, alors, va te faire foutre là, en 1, va te faire enculer en 2. Moi je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Votre grand-mère est suce des nains. Non, un truc plus vulgaire, bien. Encore plus vulgaire ? Fils de pute ? Ouais, un petit fils de pute. D'accord, bon, ouais, allez, c'est parti. On y va, on rappelle. Putain, ce serait pas mal. Voyons, on y va. Si vous avez des idées, hashtag et Mickaël, allez-y. Hein, donc on l'appelle maintenant. Bon, si vous avez le temps, parce que ça se trouve, ça va être. Il a l'air un peu précoce, le monsieur, hein, dans les appels. Ouais. Oui, mais enfin, monsieur, faut pas le prendre comme ça. Bah écoute. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu me fais chier là ? Bah rien, moi je. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Mais je veux juste savoir si vous avez mais des sextoys. J'ai rien. Enculé, bah. Mais enfin, monsieur. Ah non, il est resté sur le sûr. Hein. Il est resté sur le sûr. Hein. L'enculé marche toujours bien. Hein. Ouais, ça passe toujours crème. Il se passe toujours crème. Hein. Toi, fils de pute d'enculé de ta grand-mère. Mais celui-là n'était pas mal non plus. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il était pas mal. Ça fait longtemps, ça, celui-là qu'on l'avait entendu. Bon, ben on fera d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut encore appeler à cette heure-ci, ah, même si vous les connaissez pas forcément, mais vous savez qu'ils sont debout assez tard, genre les amis des parents, etc. Même votre oncle, les parents, les grands-parents, peu importe. Nous, on appelle tout le monde. Et ben vous envoyez le numéro maintenant sur le mail de Tof, toph@funradio.fr justement. Bon, on va parler de sextoys justement, puisqu'on en parle. Ben, je vais vous mettre un nouveau sextoy qui vient de sortir là sur internet et qui soi-disant doit donner du plaisir à coup sûr à toutes les filles. C'est l'Ultimate G. Oh yeah. Voilà, Ultimate G. Il a été conçu par des scientifiques pour s'adapter au corps des femmes pour leur donner plus de plaisir. Oh, oh. C'est dingue quand même. Ouais. Ce qui est surtout dingue, c'est qu'il y a des scientifiques qui se soient dit comment est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va donner comme forme à un sextoy pour donner du plaisir aux femmes. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, mais apparemment, il est vraiment taillé comme il faut pour. Bon. Oui, mais ça veut dire quand même que les mecs, ils ont dû prendre des meufs, les essayer dedans et faire. Alors, comment vous le sentez ? Ils ont peut-être fait un moule, je sais pas moi. Et après, ils ont dû réessayer avec un autre. Et celui-là, vous le sentez mieux ? Voilà. Bon, est-ce que vous utiliseriez le Ultimate G, les filles là ? Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, alors Cédric. Yes. On a demandé aux filles aussi si elles avaient des conseils à donner pour éviter la routine. Qu'est-ce qu'elles aiment faire les filles ? Est-ce qu'elles aiment être pépères ? Est-ce qu'elles préfèrent bouger non-stop ? Parce que tu sais, c'est bon, les filles et les mecs, c'est un peu pareil. Hein. C'est-à-dire que quand t'as une vie de ouf, t'aimerais bien l'avoir plus pépère en disant putain, j'aimerais bien pouvoir avoir un week-end où je fous rien. Et puis quand t'as des week-ends où tu fous rien, tu dis putain, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir des trucs où c'est la folie. C'est donc, vrai. Au final, de toute façon, c'est la règle de l'être humain. Il n'est jamais content de ce qu'il a, quoi qu'il arrive. Voilà. Ah, surtout chez les filles, Mickaël. Surtout chez les filles. Non. Non, vraiment, attends, c'est vrai, c'est pas surtout chez les filles, c'est le mec, l'être humain n'est jamais content de ce qu'il a, de toute façon. Il en veut toujours plus. Voilà, il en veut toujours plus, et quand il a plus, il veut moins, enfin bref, c'est toujours un problème. Ça, l'homme n'est jamais content. Exactement. Bon, alors Cédric, on va demander aux filles de nous appeler, donc continuez mesdemoiselles, mesdames aussi, hein, 01 42 48 5000, ah non, de toute façon on peut plus dire mesdemoiselles. Ah non, c'est fini. C'est fini, c'est terminé, c'est banni ça. Oh, ah oui, non, on dit mademoiselle, on madame. Plus, on peut plus. Mademoiselle, ça n'existe plus, c'est que on madame. S'en fout, c'est mademoiselle. Ouais, je suis aussi, mais bon. Oui, Céd. Ouais, elles apprécient pas trop qu'on les appelle madame, tu vois. Parce bah que, non, mais moi je préfère mesdemoiselles, hein, mais le problème c'est que. C'est quoi, c'est. Les chiennes de garde, les chiennes plus de garde, la qui, voilà, qui, une assos qui a dit qu'on pouvait plus dire mesdemoiselles parce que. Enfin bon, bref, encore un truc de merde qui fait chier tout le monde, enfin soit. Bon, ça restera mademoiselle de toute façon. Bon, bref. Donc on va récupérer Fred maintenant là. Fred, est-ce que tu es là, Fred? Fred, attends, on va récupérer Fred. Ouais. Ah voilà. Bon, alors Fred, on va donc appeler ta ton ex-copine pour avoir les explications, parce que là je reste quand même sur le cul. Sans voix. Ouais, Fred nous a appelé donc par rapport à Cédric et la routine là. Il nous avait appelé que pour son anniversaire, bah en fait son ex-copine avait proposé un plan à plusieurs avec sa mère. Donc pas à lui mais à elle. Ouais. C'est quand même improbable. Donc on normal. Donc elle s'appelle comment ta meuf, ton ex-meuf? Océane. Pourquoi c'est fini avec elle? Bah en fait ça m'a vraiment dégoûté la journée le jour d'après, en fait j'ai eu la vision dans ma tête et ouais, mais en même temps si la mère avait 40 balais ça va hein. Ouais mais quand même non, c'est pas vraiment mon style 40 balais. Ouais non, bah d'accord, après oui évidemment parce que t'as 20 ans, après pour un mec comme Toff qui en a presque 40, c'est bien. Mais oui, moi c'est voilà. Parfait, ouais. C'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait je serais le juste milieu entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est tout qui est passé là. Exactement. Bon, on va l'appeler. On va l'appeler Fred, t'as encore des nouvelles d'elle ou pas? On prend un peu le temps. Après j'ai plus jamais eu aucune nouvelle d'elle. D'accord. Bon, écoute, on va l'appeler maintenant, on va voir un peu comment ça se passe hein. Donc c'est elle qui fait des plans avec sa mère, c'est ça? Voilà, c'est d'accord. Elle, les plans avec sa mère pour faire plaisir, je crois, très longtemps. Après, j'en sais pas plus. Bon, alors attends, Fred, on va l'appeler, on va lui demander s'il y a moyen d'avoir un plan à trois. Hein. Tant qu'à faire. Allô? Allô? Oui. Tu peux parler à Océane? C'est Océan, on l'a pas. Allô? Elle dort. Elle dort, on peut pas la réveiller? B. Comment? B, Perret. J'ai pas compris. Comment? C'est qui? C'est Mickaël. C'était qui? Bah Mickaël, je viens de le dire. Ouais mais t'es qui Mickaël? Bah je comprends pas la question. Ah tu la connais? Bah je la connais. C'est pour savoir s'il y avait moyen de faire un truc avec sa mère en plus avec elle. Parce qu'apparemment c'est le plan en VA3. Quoi? Quoi? Ah bébé, réveille-toi. Ah mais cool. Ah Mickaël, t'es qui là, putain de toi là? Putain de moi, mais je suis Mickaël. Et toi t'es qui? Parce que t'as pas une voix qui ressemble à Océane. Tu connais toute ma meuf? Bah attends, mais je connais pas ta meuf. Moi on m'a simplement donné le numéro de téléphone en disant que apparemment elle faisait des plans avec A3 avec elle et sa mère. Alors du coup moi je suis intéressé. Quoi avec elle? Et tu dis mais t'as fumé. Et sa mère? T'as des problèmes. Ah non mais moi on m'a dit ça, alors moi je veux ma part du gâteau hein. Quoi mais t'as... Bah alors je peux la voir hein, parce qu'en même temps j'appelle sur le téléphone de Océane, j'appelle pas sur le téléphone de son mec, je m'en fous moi. Mais je suis son mec, je vais pas laisser un mec parler à la même. Oh genre c'est sa propriété Non mais attends, elle est assez grande pour me parler, pour me raccrocher au nez si elle veut, non? De quoi? Elle est assez grande pour s'exprimer et pour me raccrocher au nez si elle veut, non? Attends, son AB. Voilà. Oh la putain, tu aurais des toi là. Pourquoi tu t'aurais avec ta drone là? Comment foutre la merde dans un couple? Grave. J'attendais tout seconde là. Donc là ils nous entendent plus. Alors bébé, elle arrive là? Ouais, tu sais quoi, tu t'en as deux rendements depuis. Ça m'appelle la fin de la nuit, tu mets ton téléphone à côté de ma chambre de manier. Parle plus fort, on entend rien. Quoi, c'est quoi, de quoi? Avec ta daronne, je sais pas, ça m'appelle, ça dit c'est un Mickaël. Tu connais d'où Mickaël déjà? Et comment ça, ta daronne? C'est quoi ta daronne? Qu'est-ce que tu me prends là? Bon alors? Et là tu crois que j'ai envie d'avoir une réputation d'enculé là qui sort avec une autre? Je pense qu'on a foutu la merde. Je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi on n'entend pas? Parce qu'il a mis sa main. Bon alors, je vais pas attendre 10 ans là. On veut fourrer nous. Hé Roger! Oh vas-y, la tête de ma mère, pas de plus, je sais pas tu dis quoi, ouais. Et même si elle se tape sa drone, ça fait quoi? C'est quoi? Hey! Oh! C'est quoi ta souci, celle-ci? Oh là là! Ça a duré 10 ans, là! Hey, Roger! Hey! Bon, une fois que je crie en vrai. Oh! Roger. Ah bah non, mais c'est toi que j'appelle, là! Je connais pas ton prénom, le mec d'Océane! Moi c'est Maxime. Moi, Maxime, bon bah très bien. Bon alors du coup, il y a moyen quoi éventuellement avec sa mère et elle ou pas? Non mais tu jacteras pas avec ma mère au téléphone, même si elle te tape sa daronne, c'est quoi? Non j'entends rien, je comprends pas, t'es en train de parler, on dirait que t'as le téléphone dans le cul là. Même si elle se tape sa daronne, ça fait quoi? Elles se font plaisir à deux. Mais non, mais apparemment elle fait un truc avec elle et quelqu'un d'autre. Ouais, mais j'en ai marre que vous appelez comme ça pour demander. Comment ça, t'en as marre? T'es sérieux? C'est la première fois que j'appelle. C'est bon, déjà, c'est son enculé texte, il a dit ça à tout le monde, déjà, ça fait la merde. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous encule? Venez tous. Oh non, moi ça m'intéresse pas, non, bah après je peux le faire à quelqu'un d'autre, mais moi personnellement ça me branche pas des masses, non. Ouais, elle a fait ça avant, elle fait plus, donc c'est bon. Ah, elle fait plus, là, elle a fermé la boutique? Ouais, c'est bon, elle a fermé. Oh merde! Elle a fermé ta mère, là, je sais pas quoi tu parles, on a. Non, elle a pas fermé, mais si elle a fermé la boutique, alors c'est tant pis, bah c'est pas grave. Hein, Bon, bah c'est rien. Bon, et Maxou? Ah, mais il est parti. Bon. Oh, c'est dommage. Elle a fermé ta mère. Elle a fermé ma mère, donc ça s'est fait, au moins ça s'est plié, hein, ça c'est. Voilà. Elle a mis la clé sous la porte. Ouais, elle a mis la clé sous la porte, ouais. La clé sous la chatte. Ouais, Fred, tu dis? Je savais pas qu'elle avait un nouveau mec. Eh bah, comme voilà. Ça c'est fait. Voilà, bah oui, mais tu l'as laissé partir, là, Fred, là, quelle idée aussi, là. Bon, bah tant pis. Bah, Fred, merci beaucoup, hein. Ouais, bah écoute, y'a pas de soucis. Bon, bah tu reviens quand tu veux, Fred. Salut à toi, à bientôt. Salut. Allez, ciao, Fred. On va revenir avec la colle de Mickaël aussi dans quelques. Bon, on peut le faire maintenant, tiens. Mika, t'es là? Oui, je suis là. Mika, allez, c'est parti. On y va pour la colle là maintenant. Donc, fais péter Mickaël. Donc, je suis une nourriture toujours chaude, même à long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je? Voilà, je suis une nourriture toujours chaude, même à long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a une GoPro à gagner. Et pas n'importe laquelle. Ah oui? La GoPro Hero 3 Plus, qui, et c'est la Black Edition, qui vaut plus de 450€. Vous avez aussi le casque Beats by Dre que vous allez pouvoir gagner. Et pour ça, il faut évidemment répondre correctement à la colle de Mickaël. Si quelqu'un a la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne. Si personne n'a la bonne réponse, eh bien c'est toi qui gagne, Mickaël, d'accord? Oui, oui. Bah bouge pas de là, on donne la réponse dans un gros quart d'heure. Si vous voulez répondre, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, venez nous rejoindre, on est nombreux et nombreuses dessus. Il y a Afrojack qui va débarquer aussi dans quelques minutes. Et puis le chéri, je peux te faire cocu comme tous les lundis soirs sur Fun. Un truc à dire, Mickaël. Appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, no limit. No limit. C'est tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Je rappelle que tout à l'heure c'est Bruno dans la radio qui débarque à partir de 6h du mat. Et qu'il y a Jérémy Titi aussi qui dit salut l'équipe, meilleure équipe radio que je connaisse. Merci pour la soirée d'hier dans vos studios, vous êtes super, c'est monsieur le pâtissier. Ouais, c'est le pâtissier là, Jérémy, qui était passé nous voir hier avec des petits macarons, hein. D'ailleurs j'en ai plus trouvé, hein. Oh là là là là. Ils ont tous été bouffés. Non, ouais, je crois qu'il en reste un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu, ouais. Comme par hasard j'en ai pas trouvé dans le bureau. Étonnant, étonnant. Bon, non, le chéri, je peux te faire cocu arrive bien sûr sur Fun Radio. Il y a toujours la colle avec bien sûr Mickaël et la GoPro à gagner. Et puis venez nous dire aussi si vous avez des plans pour casser la routine. C'est Cédric qui est inquiet de la routine avec sa copine. Les filles, j'aimerais bien avoir vos avis. Appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 ou que vous soyez en France. Bah, vous pouvez m'appeler sans problème évidemment. Et puis plein de messages aussi. Tous les messages qu'on va lire avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. Ajoutez-moi également sur Facebook. Tapez Mickaël officiel pour venir me rejoindre. Et puis on écoutera aussi le son d'Afrojack sur Fun Radio avec The Spark. Ce sera avant minuit. Elle, ça va débarquer sur Fun Radio avant minuit. Afrojack donc et The Spark, ce sera sur Fun Radio. Restez bien là. Et avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Nous allons donc accueillir maintenant Elliot qui est là. Salut Elliot. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. Ça va tranquillement, Elliot, tranquillement. On va parler de quoi avec toi, dis-moi Elliot? Ouais, c'est parce qu'en fait je suis un jeune DJ et puis. T'es quoi? J'ai rien compris. Tu veux quoi? Je suis un jeune DJ. Tu es quoi? Un jeune DJ. Ah, un jeune DJ. D'accord, ok. Désolé, mais j'avais pas compris. Ouais, c'est pas grave. Ok, et alors je voulais devenir de plus en plus connu, d'avoir peut-être des conseils de pro, etc. Ah, je croyais que je voulais devenir de plus en plus connu et avoir plein d'argent. Oh, ça va ensemble en même temps. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah t'as oui, de la mais... chance. Tu es super bien tombé en tant que presque DJ. Presque DJ, je peux te donner des presque conseils. Bien sûr, parce que je rappelle que Toff mix comme ça. Voici d'ailleurs un mix exclusif, ouais, que vous êtes les premiers à entendre. C'est vrai, vous êtes, ouais, les premiers de chez premiers. C'est le mix de... Attends, déjà, si tu veux être méga connu et de bon DJ, je pense qu'il faut que tu mettes ta mère un peu sur le côté, là. Hein? C'est bon? Oui. Ouais. Bon, alors écoute bien le mix de Toff. C'est Pharrell Williams avec David Guetta. Voilà, c'est enfant de putain, ça fait un nouveau titre. Exactement. Putain, c'est bon. Tu kiffes leur mix ou pas? attention, Afrojack en plus. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Là, on est bien, non? On est pas mal, non? Puis là, tu lèves les bras bien haut. Il mixe à Charleroi dans des usines désaffectées. Il est tout seul. Ouais, mais les cafards, ils adorent. Ah, les cafards, ils adorent. Il est premier sur le cafard, d'ailleurs. Il est, attends, premier là-dessus. Dès que j'ai posé la platine, ils arrivent. Voilà, et ben, complètement, complètement. Bon, Elliot, on va parler de ça dans quelques minutes. En même temps, t'as 14 balais, Elliot. T'as encore un peu de temps devant toi, hein. Ouais, je sais, mais je suis déjà dans une web radio et tout ça. Non, mais c'est bien d'avoir, c'est bien de déjà démarrer, cela dit, hein. Mais voilà. Voilà, à la cool, à la tout va bien, t'inquiète pas. Attends, parce qu'il y a de l'écho, Elliot, on va te rappeler dans quelques minutes. Bref, si vous aussi vous avez des rêves comme ça, qu'est-ce que vous voudriez faire comme taf plus tard? Ou alors si vous faites un taf, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Là, Elliot, il veut faire DJ. Bon, moi, je suis animateur, je suis très content de l'être parce que j'adore ça. Mais j'aurais bien fait pilote d'avion aussi. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Moi, ouais, ouais. Rien. Je voulais rien faire. Non, mais ça c'est vrai. Quand j'étais petit, on me posait la question. Rentier. En fait, j'inventais. Je dis ouais. Tu sais, j'écoutais ce que faisaient les autres à peu près. Je dis, ah bah ouais, je voulais être pilote d'hélicoptère. Mais en fait, j'en avais rien à foutre. Je voulais rien foutre. Pompier. Non, même pas. La police. Rien. Ah, tu voulais être flic à un moment ou à l'autre. Moi, je voulais lire des bouquins, rien foutre. Voilà, et de payer, donc rentier quoi. Payer, rien foutre. À Saint-Barth. Ouais. Tranquille, pépère quoi. Mais j'aurais pas rencontré cette tête de chien si j'avais rien fait. Alias Top, bien sûr. Ouais. Et sinon, toi, t'aurais fait quoi, Top? Moi, je voulais être un grand producteur de musique. J'ai fait des études pour. Et en fait, j'ai enregistré des groupes de rap pendant des années. Et ça n'a pas marché, donc j'ai arrêté. Voilà, c'est ça. C'était mieux. T'as enregistré des groupes de rap, Top? Ouais, des groupes de rap. Mais tu sais, les bons groupes de rap dans les caves, bien pourris et tout. Ah voilà. Ils t'ont frappé? Non, ils m'ont jamais frappé. Ils auraient dû, mais souvent ils m'ont pas payé. Ils auraient dû, ils auraient dû. Et toi, Sandro, t'aurais fait quoi? T'aurais voulu faire quoi si c'était pas ça? Moi, je voulais être maîtresse et je pense que je vais finir maîtresse. Maîtresse? Ah quoi? C'est-à-dire trompée par un autre mec, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dominatrice, maîtresse. Non, je voulais être un style. Ah, j'ai fait un sale jeu de mots pourri. Mais j'ai voulu tout faire, maîtresse, vétérinaire. Mais là, c'est les animaux qui l'ont rejeté. Non, c'est les études. Ah, c'est les études, d'accord, ok. Bon, bah dites-nous les autres. Quoi toi Cédric, tiens justement, tu fais quoi d'ailleurs aujourd'hui? T'es encore étudiant ou tu taffes? Ouais, encore étudiant. Et tu veux faire quoi? La sécurité informatique. Sécurité informatique, d'accord, ouais, ok, ouais, pourquoi pas. Les contrôles hackers et tout, tu vois. Ouais, ouais, non mais c'est bien aussi, ouais. Hein, c'est bien l'info. Bon bah dites-nous les autres là, qu'est-ce que vous auriez voulu faire ou qu'est-ce que vous comptez faire plus tard justement? Hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, il y a Jojo78 qui dit moi j'aurais voulu être chanteuse ou travailler en radio. Bah c'est pas trop tard en même temps, hein. Je sais pas quel âge t'as Jojo, mais tout est possible. Il y a Didou qui dit moi j'aurais voulu être footballeur. Ah oui, ça gagne bien, mais le problème c'est que bah c'est comme la radio, hein, il y a pas beaucoup de place non plus, hein. Moi aussi j'avais eu ce rêve un jour. Footballeur? Ouais, mais ça a pas duré longtemps. Ah bah non, ça c'est sûr. Il y a Didou Doudi qui dit aussi moi j'ai toujours voulu être footballeur. Sinon pour casser la routine, tu prends ta meuf, ta caisse, l'autoroute et tu roules jusqu'à s'arrêter dans une ville et se balader, boire un café et pourquoi pas faire l'amour dans un bois, c'est Maxence. C'est pas con. Bah oui, c'est vrai, franchement, c'est vrai, c'est tu te barres, tu dis, allez, viens, on se barre. Et on va où? Je sais pas, on verra. Tu pars, et puis bah tu roules un peu, puis tu t'arrêtes. Et tu la bourres à chaque fois. Et tu vas bouffer, et puis voilà. Là, hein, tu la bourres, hop, tu la laisses, tu la. Ouais, tu c'est vas ça. Manger, merci, tu la. Et sinon, il y a plus simple, tu t'arrêtes même pas. C'est-à-dire qu'elle te suce sur la route et tu la ramènes. Merci, Toff. Oui, Cédric, tu voulais dire? Ouais, elle m'a déjà dit qu'elle voulait aller en Belgique. Y a moyen d'aller chez toi ou quoi, Lucas? Bah, bien sûr. Tu prévois pas un peu le spot. Mais évidemment, et le mieux, parce que moi, je suis encore un peu loin de la ville, mais alors, tu vas chez la mère de Toff. Elle fait maison d'hôte, hein. En plus lui il est à côté de Bruxelles. Donc direct tu sors, t'es sur tu traverses la rue, t'es à Bruxelles. Voilà c'est ça, t'es directement autour de la ville. Donc là t'es au top, hein. Ah bah pourquoi pas. Et puis, maison d'hôte. Attention, t'es bien accueilli, bonne bouffe et tout. Attention. Ah ouais c'est ça, chez Madaron ça rigole pas, hein. Ah bah là Stump et tout le merdier, hein. Ah ouais, non, ah ça, t'auras les vrais plats locaux, hein. Un waterzooi et tout, hein. Exactement, du pied de porc, tout est là, hein. Voilà, un waterzooi c'est genre une bouillabaisse, mais genre façon belge, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin bon, bah j'aime pas ça, mais bon, après, peu importe. Donc ouais, ça peut être un bon plan, ça, Céd. Bah oui, c'est ça, tu l'as fait visiter et tout, c'est cool. Ouais, bah c'est mieux quand t'as des gens qui connaissent, quoi. C'est ça. Ah bah clair, évidemment, évidemment, mais ça c'est évident. Il y a Armand aussi qui dit salut, j'ai pas eu mon message de bienvenue, c'est quoi ce bordel? Je vous kiffe, vous gérez l'équipe. Bah on va te le mettre là. Vous vous faites chier. Voilà. Alexandra qui dit moi je voulais devenir écrivain, bonne émission l'équipe. Merci Alexandra, moi c'est DJ pour Kylian. Marine qui dit moi je voulais être coiffeuse. Il y a quoi également? Clément. Salut Mickaël, je voulais faire partie du monde de la radio, mais bah en même temps Clément, faut voir quel acheteur. Et puis rien n'est jamais trop tard. Stanislas qui dit je suis acheteur dans un magasin d'achat et de vente de produits d'occasion, j'aime mon boulot mais j'aurais aimé technicien informatique. Et puis Orgegasmi qui dit moi je sais toujours pas, j'hésite entre esthéticienne, coiffeuse, femme au foyer ou éducatrice éleveur canin. Ah ouais, t'hésites entre. Ouais, c'est... Entre beaucoup quoi, Orgegasmi, hein. Et puis c'est bien parce que c'est pas des trucs super éloignés quoi. Pas du tout. Et puis femme au foyer c'est bien, hein. Mais c'est le mieux, moi, je trouve. C'est un très beau métier, femme. Après, le truc, c'est qu'il faut tomber sur un mec qui est blindé. Après, t'es pas père, t'élèves tes gosses et tout, t'es cool. C'est ça, moi, si j'avais pu, j'aurais fait femme au foyer. Ah bah, bien sûr, évidemment. Ouais, Ced. Ouais, t'avais entendu parler là, ils avaient fait une offre en Australie, le plus beau métier du monde, s'occuper du Nil. Bien sûr, évidemment. Ça peut être le bon plan. Ah bah, grave. Ouais, j'ai postulé, mais j'ai pas été retenu. Sans déconner. C'est comme pour aller sur Mars. J'ai postulé, mais j'ai pas été retenu. Bah ouais. C'est un certain temps, hein. C'est un CDD en fait. Ouais, mais enfin, ça reste quand même sympa. Fait tourner. Bon plan pendant, il y a 2-3 ans là. Bah oui. La flotte avec les dauphins et tout. T'es payé, en plus payé, hein. T'es au taquet, c'est clair. Bon, bah dites-nous les autres, rappelez-nous là. 01 42 48 5000. Et puis on vous passe à l'antenne. 02 851 4x0. Et puis on va surtout essayer de trouver un plan là, les filles. Là. Est-ce que vous êtes déjà tombés dans la routine et comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Les mecs également. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, 02 851 4x0. Cédric, tu restes avec nous. On va se faire les teubés de la télé dans quelques minutes. Et puis, je vous l'avais promis, le son d'Afrojack, c'est maintenant sur Fun Radio avec The Spark. Qui aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël Nolimit jusqu'à 2h. Le son d'Afrojack à l'instant sur Fun Radio, c'était de Spark. Il y aura Kelly dans quelques minutes pour faire le chéri, je peux te faire cocu. Il y a un message qui dit moi j'aurais voulu être le gagnant de la GoPro pour mon sport en semi-pro et le motocross. Ah bah ouais, mais bon, en même temps c'est pas encore gagné donc t'es peut-être toi. Hein. Ils l'ont autorisé la GoPro pour le championnat 2014. Ah bah ouais. Bonne nouvelle. Ça c'est beau. Ah bah voilà. Il y a Tess aussi qui dit Cédric, faut jamais se reposer sur ses lauriers, faut la faire rêver, juste ce qu'il faut, surprends-la, elle te le rendra. Tu dis ça sexuellement parlant, tu veux dire, Tess? Et puis Joss aussi qui dit putain, j'ai mon rap. Sérieux ça? L'orthographe, elle est sérieuse. Mon rapport, RAT, espace port, LORC. Ah non, c'est sûr, tu vas le foirer toi, toi, pour écrire comme ça. Et dit. Mon rapport de stage à faire, c'est pas avec Mickaël que je vais pouvoir le faire. Mais rapport RAT espace PORC. Attends, je vais le remettre sur le Twitter et sur le Facebook parce que ça c'est quand même scandaleux. Joss, c'est quand même pas sérieux d'écrire un rapport comme ça peut-être là. Peut-être qu'il aime les animaux. Oh, putain. T'aurais dû faire vétérinaire. Ah non mais un rapport RAT PORC quand même, c'est quand même magnifique. Je pense qu'on a déjà eu des grosses fautes, mais là je pense qu'on est quand même pas mal en termes de level. Ah non, là. Là on a touché un truc. Je sais pas si t'es le premier, si t'es le numéro 1, mais t'es quand même bien classé. Hein. C'est le dernier de la classe, ça c'est sûr. Ah ben putain, quelle violence. Bon, les teubés de la télé, on va faire ça maintenant. Vous le savez, c'est tous les soirs sur Fun Radio aux alentours de minuit. Et puis on va se faire maintenant, évidemment, dans mot de passe. C'est une candidate qui répond n'importe quoi. Simon de Beauvoir. Voilà. Voilà, je répète hein. Simon de Beauvoir. Voilà, quand Simon on disait que c'était dans mot de passe, qu'elle répond n'importe quoi. C'est Simone de Beauvoir. Bien sûr. Ah bah, un peu de culture. Simon, dans Confessions Intimes, on a une blonde qui se prend pas pour de la merde du tout, hein, mais en même temps c'est ça, hein, Confessions Intimes. Comme je dis moi, avec comme Jennifer, je dis moi. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Hein. Je suis désolée, mais si on ne me voit pas, ben c'est qu'on est aveugle. Jennifer et moi, on passe crème. Oui, elle passe crème. Et puis dans Les Princes de l'amour, le pauvre Anthony se fait larguer comme une grosse merde. En gros, t'es tout ce que je déteste. Mentalement, t'es un enfant de 12 ans. Comme hier, je t'ai dit que t'étais un goujat. Tu l'as pris pour un homme à femme. Ça, c'est pas vraiment toi. Tu avais plutôt dit dans le sens que t'en fous pas une. Le ménage, tu connais pas. Et puis, ta priorité, c'est toi, ton physique, ton image. Et... non, moi, un mec comme toi, j'en veux pas. Voilà, bon, moi ça a le mérite d'être clair. Hein. C'était sympa, sympa. Complètement, ça a le mérite d'être plus que clair même. Bon, allez, la réponse à la colle de Mickaël dans quelques minutes. Je suis une nourriture toujours chaude, même un long moment au réfrigérateur ne peut me rendre froide. Qui suis-je? On fait la réponse juste après le chéri, je peux te faire cocu. Si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L officiel, c'est ce que vous tapez sur Facebook pour nous retrouver. Et pour répondre à la colle, vous pouvez aussi le faire évidemment par SMS. Vous envoyez M-I-K-L au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Je vous l'avais promis. Eh bien, on va se faire maintenant le chéri, je peux te faire cocu comme chaque lundi. C'est avec Kelly que ça se passe. Bonsoir Kelly. Oui, allô. Bonjour Kelly, comment ça va? Ça va, merci. Bon, bienvenue Kelly. Alors, on va donc faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Ouais. Voilà, pour ce faire, nous allons appeler ton mec. T'as vécu depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 4 ans. Ah ouais, quand même? Ouais, on a une petite fille et tout, donc... Oh, ce choupinou. Et tu as, rappelle-moi ton âge? Moi j'ai 18 ans. Très bien. Alors le principe est donc bon, on va appeler ton mec maintenant. Comment il s'appelle? Cédric. Il a quel âge? Il a 21 ans. Très bien. Il est plutôt du style jaloux?

il est bon le chéri, je peux te faire cocu à l'instant. Oui, non, attention, le nouveau nom, hein, donc chéri, je t'ai dans le cocu. Passe-moi ma femme, gros fils de pute, Benji. Oui, c'est vrai que il a pas pris des gants pour me parler. Et puis le prince Eddie qui dit, il y a quelque chose qui me tue en lupine. Sympa ce petit mot. Oui, nous avons appris, nous avons remis au goût du jour un nouveau mot et c'était pas plus mal. Totalement. Se dit d'une personne qui turlupine tof. Exactement. Bon, il est minuit 19 sur Fun Radio. On va revenir avec Cédric, avec Sandra qui voulait donner un conseil à Cédric car il voulait sortir de la routine. Elliot qui veut devenir DJ. Mickaël avec la colle. Promis, on donne la réponse juste après le son de Tony Junior qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Au cœur de la nuit, sans pub. C'est Mickaël No Limit. Rassurez-vous, vous êtes les bienvenus sur Fun Radio si vous écoutez Fun. Ou en tout cas l'émission pour la première fois. Sachez qu'il y a enfin un truc de bien à écouter le soir à la radio. Et ça tombe bien, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Donc ne bougez pas de là. On écoute Tony Junior, Twerk Anthem. Juste après, il y aura Fatboy Slim, Martin Garrix. Et on est en direct jusqu'à 2h. Non, mais vous êtes une ordure. Ferme ta gueule. Du front. Ta gueule, garde ta question. Tous ces amis de Tof qui sont là en guest, quand même. Trop sympa. Complètement, voilà. Bon, c'était Tony Junior, un petit peu remixé là ce soir. Minuit 22, il y a le prince Néda qui dit merci Mickaël, t'as réussi à me redonner le sourire grâce à remix. Avec plaisir, du coup je l'ai improvisé comme ça. Alexandra qui dit il y a enfin un truc de bien à la radio, c'est clair, avant je m'emmerdais. Ah bah bienvenue Alexandra. Benji, DJ Mimi au platine, ouais exactement, et Trend Lover. Pas une seule émission avec Mickaël sans apprendre de nouvelles insultes, quel que soit l'âge. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah complètement. Apache aussi qui dit Mickaël, est-ce que la musique Vicious Ibranovski pourrait devenir la nouvelle bombe Fun Radio? Non, on n'est pas la moindre idée. Demande à Elliot. Oui, je t'avoue que je ne connais pas. Oui, est-ce que Elliot? Ouais. Elliot, toi qui veux devenir DJ, tiens, est-ce que ça te dit quelque chose? Vicious avec Ibranovski? Absolument pas. Bon, ça me rassure alors, très bien. Parce qu'il y a Maxime qui dit c'est possible de passer Kavinsky avec Road Game. Ah, ça par contre je connais, ouais. Et Maxime qui dit vraiment génial votre émission. Et alors Benjamin qui dit moi je suis Mickaël. Attends, c'est quoi Mickaël, moi je suis directeur d'une web radio. Donc s'il veut mixer, qu'il vienne, appelle-moi. Ah bah voilà Benjamin, tu vois, on a déjà quelqu'un là qui, même si tu bosses déjà sur une web radio, mais t'as pas de contrat d'exclus, ça va. T'es tranquille. Tu peux mixer n'importe où. C'est quoi ta web radio là? Tu mixes à quelle heure? Bah pour l'instant, je mixe le samedi de 23h à minuit. D'accord, ouais, ça va en phase de party fun, tranquille. Ouais, ça va. Et puis c'est Clubbing Radio. D'accord, ok. Oh bah très bien. En plus, en phase de party fun, ça va. C'est pas comme si t'étais pas en phase de la première émission de France. Hein, tu vois, tranquille. À la cool, pépère. Non, écoute, pourquoi pas sur la web radio. Allez, on va essayer de reprendre le numéro de téléphone du mec qui gère la web radio. Elliot, reste avec nous. On va d'abord filer la colle, là, comme promis. C'est parti, on y va. Mickaël est de retour. Oui, je suis là. Parfait, on est un peu à la bourre, hein, désolé. Alors, on y va, Mickaël. T'avais posé la colle tout à l'heure pour gagner la GoPro ou le casque Beats by Dre. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. C'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse et décroche, évidemment, eh bien, elle gagne ou il gagne. Sinon, c'est toi qui gagne, Mickaël. Ouais, allô. Ouais, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Attends, Hakim. Salut, Hakim. Oh, comment ça va, Hakim? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, bienvenue à toi, Hakim. T'es dans quelle ville, dis-moi? Là, je suis sur Paris, là. T'es sur Paris, très bien. Ouais. Bon, Hakim, il y a Mickaël qui a une colle à te poser. Ouais, vas-y, j'écoute. Ah, vas-y, Mika. Alors, je suis une nourriture toujours chaude, même un long moment au réfrigérateur, vas-y. Je peux me refroidir. Ouais, j'ai la réponse, si tu veux. Ouais, vas-y, te casse pas avec la question. Ouais, vas-y, Hakim. Ah, pose pas la question, j'ai la réponse. Un piment. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Eh ben voilà. Bon bah Mickaël, la GoPro ou le casque Beats by Dre n'ira pas à Belfort. Oh. Non, il ira chez moi. Eh oui, Hakim, elle ira à Paris. Hein. Bah d'ailleurs, tu veux quoi, Hakim? Tu veux quoi? Tu veux la GoPro ou tu veux le casque Beats by Dre? Ah, moi je veux la GoPro. Non, tu veux la GoPro, toi? Ah bah oui. Et quoi? Tu fais des sports? Tu fais des sports extrêmes ou pas? Non, mais je vais en avoir besoin parce que je vais partir à Center Park et je vais aller filmer et tout. Et ah bah oui, je comprends, à Center Park et tout, la GoPro c'est hyper important. Non, mais pour aller dans l'eau et tout là, c'est top. Ah oui, dans l'eau, elle va dans l'eau, effectivement. Ouais, bon bah voilà, très bien. Et je veux une vraie GoPro. Ah bah, en fait, tout ça pour mater les fits, il va mettre la caméra en dessous, il va regarder au-dessus. Non, mais j'ai pas mis des enfants. Et alors, ça n'empêche pas. Hey, ouais, t'as aussi, hein. Tof aussi, il est marié, il a des enfants. Bah, bien sûr. Ça n'empêche pas d'être un gros porc. Tof, c'est un sagouin, Tof. C'est clair. Tous les soirs, j'écoute alors. C'est gentil, Hakim. Bon, bah écoute, reste là, on prend tes coordonnées, Hakim. Reste avec nous, d'accord? Ouais, ok, merci, c'est gentil. Allez, à bientôt, Hakim. Ciao à toi, merci, bye. Salut. salut l'équipe. Salut Mickaël. Et Mickaël, bah écoute, désolé pour toi, mais bah tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Ah oui, c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Bah exactement, ouais, tout à fait. Salut Mickaël. Allez, ciao. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, retour avec Cédric qui nous appelait pour casser la routine. Là, il a peur justement que la routine s'installe. Et il y a Sandra qui voulait réagir. 19 ans dans le Var. Salut Sandra. Salut. Comment ça va? Ça va, écoute. Bah écoute, oui, ça va bien. Tranquillement, tout va bien. Bon alors Sandra, t'as 19 ans toi. Est-ce que, qui c'est qui a la radio allumée derrière là? C'est toi Sandra? Oui, c'est moi. C'est ah, coupe la radio Sandra. Ouh, c'est mal. Ah, est-ce que notre Sandro t'a dit qu'il fallait couper la radio ou je dois la claquer? Attaque-le. D'accord. Voilà, donc tu ne lui as pas dit, bah bravo Sandro. T'es viré. Elle a dit que tu n'avais pas dit de couper la radio. Je te l'ai pas dit Sandra. Non, d'ailleurs tu mérites un coup de lance-flamme. Si, elle, je l'ai dit, elle a dit que je l'avais dit. Et peut-être même un pet-off. Ouais, ouais, grave, allez, vas-y. Bon, allez. Je suis chaud là en ce moment. Voilà, voilà. Hop, c'est fait. Il a tout eu dans la gueule là. Bon, Sandra, alors, qu'est-ce que donc tu es une fille et qu'est-ce qu'il faut faire pour casser la routine? Est-ce que t'es déjà tombé sur un mec qui aimait bien la routine? Parce qu'il y en a qui aiment bien. Hein. Ils aiment bien partir de chez eux le matin à 8h, ouais. Ben, prendre le déjeuner à midi, rentrer à 17h, manger à 18h30 précise, bien sûr. Et puis après le journal à 20h, ouais. Et puis manger, et puis dodo. Et une cartouche. Et ah non, le samedi. Non, ah, le samedi, bah, et encore quand madame n'est pas indisposée. Voilà, le samedi, c'est la cartouche, attention, voilà, et puis pas le dimanche, hein, jour du Seigneur, le vendredi, bon papa. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que heureusement qu'il y a Canal Plus, quoi. Est-ce que, exactement. Est-ce que c'est ton cas, Sandra? Ça l'a été pendant un moment. Non, c'est vrai? Si, oui, ça l'a été. Mais c'est pas trop ce qu'on recherche en fait. Mais Sandra, au tout début, ça m'a pas frappé, mais plus tu parles, plus j'ai l'impression que t'as une voix de mec. C'est, oui. Me le prends pas mal, hein, mais. Tu as été un homme avant de t'appeler Sandra? Oui. Non, mais non, c'est non. Parce que t'as une intonation de grave, c'est pour ça que je le dis. Bah non. C'est marrant ça. Il y a certains mots comme ça où on dirait que c'est un mec. Après d'autres ça va, tu vois, au début ça allait. Mais bon bref, c'est pas grave, c'est moi qui... Trop de whisky et de cigarettes, tout ça. Bah peut-être aussi, c'est possible. Donc au début, c'était la routine et après? Ben, je suis allé voir ailleurs. Ah oui, oui, ça c'est sûr que pour casser la routine, c'est pas mal. Un peu pessimiste. Hein. Ouais. Putain. Ouais. Ouais, mais ça aide à changer, tu vois. Ouais, mais c'était la routine comment? Qu'est-ce que c'était quoi la routine pour toi? La routine, en fait, ben mon copain allait travailler. Ouais. Et en fait, quand je rentrais, ben, il n'y avait rien de pas de temps de voir regarder jouer à la play ou le foot. Ou... Et au bout d'un moment, ben, c'est pas ce qu'on recherche. Oui, non, bah, c'est sûr que si c'est tout le temps comme ça, à la limite qui joue au foot ou qui joue à FIFA là, une fois de temps en temps, why not? Mais si effectivement tous les soirs c'est comme ça, ça peut devenir saoulant. Ouais. Donc tu t'es barré, t'as été voir ailleurs et après? Ben, après, on en a parlé ensemble. Ouais. Et ben, c'est mal fini, mais comme. Pour casser la routine, moi je trouve qu'il faudrait un petit peu d'aventure, un petit peu le soir nous sortir. Ah oui, c'est vrai, et tu casses la routine Cédric. Demain tu vas la voir, tu dis écoute moi bien, bon bah tu prends tes 10 jours de congé là, je t'ai pris des billets, on va à Hawaï. Ah, là t'as cassé la routine. Voilà, hein. C'est ça, ben voilà. Ouais, j'ai aussi cassé le compte en banque, mais... c'est clair. Mais bon, après... elle lui a parlé après l'avoir tombé en fait. Oui, oui, c'est ça, c'était peut-être mieux de faire le truc inverse éventuellement, Sandra, non? Ok, bon pourquoi pas. Sandra. Ben, c'est un petit peu un message d'alerte, quoi. Vaut mieux qu'il te prépare avant que ça lui arrive aussi. Oui, non, bah c'est, Sandra, t'as rallumé la radio? Non. Non? Parce qu'il y a de l'écho derrière. Non, elle a juste un téléphone c'est pourri. Le téléphone, non? Ah, c'est peut-être ouais, le téléphone ou le haut-parleur ou le kit-man livre, c'est possible, ouais. Bon, et donc du coup, mais attention, parce que Cédric, lui, il voit sa meuf qu'une fois par semaine. Hein. Oui, ouais, c'est déjà plus... suffisant. Non mais attends, qu'est-ce que ça va être? Si déjà aujourd'hui il a peur de la routine, qu'est-ce qui va se passer quand il va habiter avec elle? Un grand filo. Un jour par semaine, comment il peut y avoir de la routine en fait? Mais voilà. Non mais je crois qu'il n'y a pas de routine, mais il a peur que ça arrive. En l'envoyant un jour par semaine. Bah oui, c'est ça qui paraît. Non, en fait, ça je t'explique, c'est le fait de l'avoir tout le temps une fois par semaine et tout le temps faire un peu les mêmes trucs, même une fois par semaine, tu vois, ça reste une routine. T'as un rythme et histoire de casser tout ça, quoi. Après, t'as une semaine pour préparer pour le jour même, lui faire une surprise ou l'amener à un endroit où elle s'y attend pas. Ou... Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'avec les cours et tout, tu vois, chacun de notre côté, c'est pas forcément facile. Tu vois, en plus, je bosse à côté, donc. Ouais, pourquoi pas le truc de se casser à un moment donné. Ouais, mais tu pars un week-end. Tu pars un week-end sans la prévenir, ouais, un petit cadeau, et puis voilà, t'es tranquille, c'est cool, non? Ouais, tu vois, et puis en plus, vous allez pas loin, tu vois. Ouais, parce que j'ai pas envie qu'elle fasse comme Sandra, à tromper, tu vois. Celle-là, elle va me faire déprimer, putain. Ah bah oui, non, mais t'inquiète pas. Non, mais ça va pas arriver comme ça, faut pas rêver non plus, hein. Tiens, il y a un message, il y a Trashma qui dit: je viens à peine de découvrir la radio, vous me faites bien rire, sérieux, je me couchais moins souvent. Je me coucherai moins souvent. Je pourrais avoir un message de bienvenue, un bon si possible. Bah oui, Trashma en plus, avec un prénom pareil. Alors attends. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé, de gay. Comme ça, t'as pas de rides au pédé que tu es, t'as compris? T'en avais appelé les gens pour leur dire que l'éjaculation faciale était bonne pour la peau. Voilà, je me souviens, comme si c'était hier avec notre ami là. Il était tellement agréable, tellement gentil. Bon bah Sandra, bah merci en tout cas d'être passé. Je te fais des gros bisous. Merci Seb. Comment tu dis? Merci. Ah bah voilà, bah merci à toi. Gros bisous Sandra, à bientôt. Bisous, ciao. Salut, ciao à toi. Cédric. Bon, yes. Allez, prends le bordel en main là, montre que tu peux le faire. Et en même temps, si ça se trouve, elle aime bien la routine, elle aime bien les trucs. Oui. Non, elle plutôt du genre aventure et tout, tu vois. Donc, partez à l'aventure alors. Mais oui, mais c'est ça. Tu dans un zoo. Mais tu prends ton sac de couchage et ta tente et vous partez à l'aventure. Non, mais peut-être pas ça, mais voilà, tu te barres. Ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est que, tu sais, genre surprise, tu lui dis, tu lui bandes les yeux. Et tu lui dis tu regardes pas, tu la mets dans la voiture et tu pars. Et elle sait pas où on va. Tu fais le tour 3-4 fois le tour du périph. tu la ramènes chez voilà, tu fais le tour de la ville et tu ramènes devant chez elle et puis tu dis bah voilà. Et alors surprise. Bah j'ai fait un tour. Je devais l'acheter à bouffer et à boire. Voilà, ça y est, c'est fait. Non mais sérieux. Tu sais, tu lui bandes les yeux et puis après tu voles jusqu'à Bruxelles. Bah tu montes jusqu'à Bruxelles. T'es bah à Paris-Bruxelles, ça fait 2 heures donc tranquille. Tu peux se faire sauver par les flics. Allô monsieur, bah qu'est-ce que vous faites avec une meuf avec les yeux? Bah attends. Mais attends, mais ça va, c'est pour un délire. Tu lui mets pas un casque sur, tu lui mets pas un sac poubelle sur la tête, hein. Tu lui mets juste un petit bandage. Tu l'emmènes au bois de Boulogne, c'est l'aventure. Ah, génial, le bois de Boulogne. Oui, t'as l'impression d'être au Brésil. Mais oui, attends. Sans la chaleur. Bah oui, bah c'est magnifique, etc. Oui, et puis, oui. Non, et puis l'avantage au bois de Boulogne, c'est que t'arrives, si tu choisis un bon coin, normalement, vous serez pas trop seul, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Ah ouais. Une copine dans le coin. Ouais. Ah bah là, c'est sûr, tu seras pas mal du tout, hein. Mais bon, écoute. Ouais, okay, ouais, écoute. C'est cool en tout cas pour les conseils. Hein. Écoute, avec plaisir. Hein, tu reviens quand tu veux, surtout. Il y a pas de problème. Ouais. Hein. Pas de problème, je vous tiendrai au courant si jamais ça se passe. Ça marche. Salut Cédric, à bientôt. Merci, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Et puis on va parler aussi de ce que vous voudriez faire ou de ce que vous auriez voulu faire. Si, bah, c'est déjà trop tard, hein. Comme taf, voilà, puisque je rappelle qu'Eliot a 14 ans, il veut devenir DJ. Il est à Rueil-Malmaison, là, dans le 9-2, il est pas loin de la radio, Eliot d'ailleurs. Faudrait que tu passes un soir, Eliot, là. Bah, écoute, je vais essayer. Un dimanche soir, comme ça, je te présente Miko C, une grande star de Party Fun. Ah ouais, ce serait juste génial. Tu le connais? Je suis plus Sûr. Oh non, c'est qui cette tête de con? Et puis, des fois, il y a Quentin Mossiman. Il y avait Quentin Mossiman hier soir, ouais. Jim Chris qui passe. Exactement, il s'était passé hier soir. Donc, essaye de passer un dimanche soir. Et puis après, je te présente, moi, pas de problème. Je vais t'introduire. Il va te présenter. Ouais, enfin, je t'introduirai bien sûr auprès de ces gens, sans problème. Bon, attends, et qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier? Ça m'énervait, c'est les gens quand tu disais, tu veux faire quoi? Faire animateur radio? Oui, non, mais d'accord, mais comme vrai métier. Va te faire enculer, c'est un vrai métier. En général, c'est ça. C'est quand tu dis aux parents que tu veux faire un métier qui sort un peu de l'ordinaire, c'est toujours, oui, non, mais d'accord, ok, mais là, t'y arriveras pas. Mais comme vrai métier, tu veux faire quoi? Banquier, médecin, avocat? Bah, non, en fait, pas du tout. Hein. Non, t'as un autre métier que t'aimerais bien faire quand même au cas où? Bah moi c'est plutôt dans le métier du son quoi. Dans le métier du son? Ouais, enfin, mais il y a plein de trucs dans le son. Ouais, mais je veux dire genre plutôt animateur radio, DJ, enfin des trucs comme ça quoi. D'accord. Ça a rien à voir hein. Bon, si, tu peux faire les deux, hein. Tu peux être animateur et DJ, ça n'empêche pas l'autre. Bon, écoute, bah, Eliot, reste encore un petit peu avec nous. On va voir s'il y en a qui ont peut-être démarré aussi dans le monde du DJing, dans le monde de la nuit. Et puis même ce que vous auriez voulu faire, bah, appelez-nous, hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On aura Guillaume également dans quelques minutes. Et puis le son de Fatboy Slim qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Hit, Sleep, Rave, Repeat. Juste après, on fait les appels de Toff. Le son de Fatboy Slim avec Hit Sleep Rave Repeat. Ça y est, on a cherché mais on l'a trouvé. Le son, alors je me souviens de Vicious, c'est le titre de la chanson. Ouais. Le nom Ibranovski. Voilà, Ibranovski avec Vicious. Il y a un auditeur qui l'a demandé. Comme j'ai dit, hein, si vous avez envie d'écouter un truc, bah vous le demandez. Donc prochain titre, Ibranovski. Ibranovski avec Vicious. Ibranovski avec Vicious. Un petit extrait peut-être de Ibranovski avec Vicious. Bien sûr. Allez. Voilà. Ibranovski avec Vicious. Elle était quand même premier sur le dance floor, Michel. Ah bah t'as vu un peu. Quelle là. Légende. T'as vu le nouveau David Guetta tout à l'heure. Ibranovski à suivre. Voilà. Voilà, je vous le mets dans quelques minutes. Bon, on l'a cherché, mais c'est bon, on a réussi à le trouver là. Je vous le cale dans quelques minutes sur Fun Radio, restez bien là. Minuit 39, si vous connaissez le morceau, dites-nous. Tiens, Ibranovski avec Vicious, si vous voulez l'entendre aussi. Hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Il y a Magda qui dit j'ai la pêche, merci d'être là tous les soirs, avec plaisir. Merci aussi à vous. Hein. Antoine qui dit moi je veux être DJ, mais c'est plutôt un rêve. Donc je veux faire technicien en son et lumière, je te le conseille, Elliot. Et Megumi qui dit bonsoir mes cochons, j'ai un peu de retard, mais je suis là. Ah bah bravo, Megumi là. Hein, c'est du retard ça Megumi quand même là. Cyril aussi qui dit mort de rire là tout à l'heure, j'étais avec un pote conducteur de tram quand t'as gueulé. Oh, un client s'est retourné, il croyait que c'était mon pote qui gueulait. Gros bisous baveux mon pote et bonne rentrée au dépôt. Ah bah c'est cool, merci. Il nous Cyril. Met un fond dans le tram. Ah bah oui bien sûr, c'est évidemment, bon, il a raison. Il y a Marc Dorcel aussi qui dit ça fait longtemps que j'écoute votre émission, mais franchement ça fait pas longtemps pardon que j'écoute votre émission, mais franchement vous êtes trop fort, maintenant je vous écoute tous les soirs. Cool, merci Marc. Si vous pouvez nous ramener une meuf ou deux aussi. Ouais, et aussi ouais. Et Kelly qui dit ah là là trop fort, vous êtes excellent. Et Didine, oula, ça va être dur le rapport de stage. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Je rappelle tout à l'heure qu'il y a quand même un auditeur, donc c'est Josh, hein, pour ne pas le citer, qui nous a quand même écrit, putain, j'ai mon rapport à faire, rapport, R-A-T, espace, P-O-R-C. C'est pas en écoutant Mickaël que je vais pouvoir le faire, donc ça c'est une certitude. Je vous ai d'ailleurs mis le texte sur le Facebook de l'émission. Ouais, j'ai été enculé sur le coup. Et Mickaël officiel, allez voir, c'est juste c'est juste à mourir de rire, en fait, tout simplement. Bon, et les mecs, j'avais une question aussi à vous poser. Je viens de lire un article sur les fantasmes des hommes et le top 10 c'est ladies and gentlemen un fantasme, faire l'amour avec deux femmes. Ok, ouais bon non mais pourquoi pas, classique, une tenue sexy. Ouais, ouais, pas si ta meuf elle met pas de tenue sexy, à un moment change de meuf quoi. Ouais voilà c'est ça. Une femme mature et sûre d'elle. Alors non, ça c'est pas pour moi, hein. Merci. Toi, il beaucoup, aime bien mais... ça, ah, moi, un peu sale. Ça. Ouais mais c'est parce qu'il aime bien se faire fouetter lui, il aime bien se faire attacher sur une croix, je le rappelle. C'est le côté rugueux que j'aime comme bien. Une ouais, c'est putain. Ça. Ouais c'est ça. Faire l'amour dans un lieu public. Pourquoi pas? Ouais, si, ça va encore. C'est... Ouais. Faire des photos coquines et des films torrides. Ouais. Une femme soumise. Pratiquer l'échangisme. Alors, ça, non, merci. S'exhiber. Ça dépend de la meuf. Attends, si tu peux changer contre une monde de meuf. Non, mais si t'es avec un cajot, oui, mais qu'est-ce que tu as foutu avec un cajot? Pense à moi qui suis souvent avec un cajot, si je peux échanger contre une bombe de meuf. C'est ça, ouais, ouais. Toutes tes meufs qui nous écoutent. Arrête, t'es le premier à le dire. Non, mais oui, jamais, bien sûr. Monsieur, je respecte. Jamais. Si, tu l'as dit. S'exhiber et donc faire l'amour avec une inconnue également. Ça fait partie du top 10 des fantasmes des mecs. Voilà. Donc, venez nous en parler, hein. Dites-nous s'il y a d'autres trucs qui vous excitent, les mecs. Où est le fantasme de l'avion, par exemple? L'infirmière, le parc, la croix. Mais oui, les gens ne fantasment pas assez sur les croix. Bah exactement. Donc bon bah les mecs, venez me rassurer, me dire aussi que vous avez peut-être un petit peu plus d'imagination que ça. Et puis les filles aussi, hein, bah venez nous parler de vos fantasmes les plus secrets. D'ailleurs il y a Steph, il y a une auditrice qui est passée nous voir là. C'est quoi ton fantasme le plus secret Bon déjà bonsoir Steph, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore salué. Ah, c'est bon, t'es allumé là, petite lumière rouge, t'allumes. Bonsoir. Alors c'est quoi ton fantasme le plus secret? J'en ai plus. Genre t'as tout fait là. Genre bah, plan 3, même libertinage. Même si Toff se met sur une croix, tu peux le fouetter. Mais Toff faut avoir envie. Non mais tu le fouettes. Même pas. Tu le démontes sa tête, tu le fouettes. En plus il aime bien, alors ça c'est une nouveauté, hein, on l'a appris la semaine dernière. Il aime bien se faire attacher sur la croix, ça on savait déjà, se faire enculer grâce à un god offert par passagedesir.fr, mais ça voilà, c'est faux. Voilà, et donc ça aussi. Et maintenant apparemment il aime bien aussi se faire attacher mais avec du barbelé sur la croix. Non mais sérieux, les fantasmes que mais t'as, t'es complètement ouf toi. Mais c'est complètement barré. Assume tes fantasmes, tu me mais disais qu'il y a pas plus tard que tout à l'heure. Mais il est complètement barré. Non tu mais dis... vous êtes une ordure. Mais complètement. Tu me dis bon les petites marques, vous inquiétez pas, c'est les barbelés de ce week-end. Voilà, ça c'est parce que je me scarifie, mais ça a rien à voir. Mais arrête, tu te scarifies à cause du barbelé sur les croix. Ça le chien va. C'est tout. Attends Steph, tu vois bien les traces de barbelé là sur les bras. Mais complètement. Bon bah j'invente rien là. Et tu vois bien que quand il marche comme un cow-boy. Il marche en canard. Voilà. C'est bien la preuve que sur la croix, il se fait enculer grâce à passagedesir.fr. Voilà. Qui est très heureux d'ailleurs de contribuer à cette petite folie. Bah écoute, je suis ravi également. Hein. Moi, en plus, publicité gratuite. Hein. Ah bah voilà, entièrement. Voilà, parce qu'on on aime bien, nous, quand on a des clients comme ça, on les chouchoute. Ah bah évidemment. Une espèce de tête de con. Ouais, voilà, donc ça, c'est pour teuf. Bon, allez, on fait les appels maintenant avant de récupérer Guillaume et Elliot. On va donc. Toujours rappeler, puisque nous sommes tombés sur ce sondage justement qui disait que 22% des filles seulement avaient un sextoy à la maison. Mais oui, c'est honteux. Ce qui est relativement peu. Donc on appelle des gens beaucoup depuis tout à l'heure. Bah oui, on appelle des gens depuis tout à l'heure pour leur demander s'ils ont un sextoy à la maison. Exactement. Et trouvons les sextoys en France. Voilà, donc c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Et si vous avez des numéros à donner, n'hésitez pas, hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez-y. Allez. Allô? Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des sextoys chez vous, monsieur. Oui, tout à fait. Surtout pour s'en mettre dans ton cul, des sextoys. J'en ai tout ce que tu veux. Oui, mais vous en avez combien, monsieur? Oh, assez pour t'en mettre jusqu'aux amygdales. Ah oui, quand même. C'est ça fait beaucoup, ça, quand même, monsieur. Ouais, c'est relativement intéressant. Quoi. Peut-être que ça peut aller jusqu'aux oreilles aussi. Ah oui, mais vous avez pas l'impression que c'est un peu violent, quand même, tout ça? Non, j'ai essayé avec ta mère, ça avait l'air d'y plaire. Ah oui. Donc, elle a pas crié. Donc, franchement, je suis pas... Je pense que toi, vu sa même famille, ça devrait aller. D'accord, mais si elle a pas crié, c'est peut-être parce qu'elle a pas aimé. Non, elle en redemande encore. Ah bon, d'accord. Bon, mais si elle en redemande, alors tout va bien. Voilà. Bon, parfait. Bah donc, je note que vous avez des sextoys, alors, monsieur. Tout à fait. Et disponible quand tu veux. Je peux t'en mettre où tu veux, dans la bouche, dans les oreilles, dans les narines, dans ta gueule. Ah oui. Tout est gratuit. Ah oui, c'est... Ah, c'est... Vous êtes trop gentil, monsieur. Ah non, c'est pas une question de gentillesse, c'est de diplomatie. Ah, ben vous êtes très diplomate, monsieur. Je me perds sur la main, monsieur. Ah, ben j'entends ça. Cette générosité vous perdra, monsieur. Non, elle me perdra pas. C'est quand on a le cœur sur la main, on peut pas la perdre. Hein. À la limite, je peux la perdre dans ton cul, ma main, mais c'est tout, hein, ma générosité aussi. Mais après, voilà, ça va pas plus loin. Faut pas... Bon, enfin, dans mon cul, c'est déjà pas mal. Oh, ouais, ça dépend, moi j'aime pas trop y aller, mais bon, s'il faut que je te mette un coup de perceuse ou un coup de marteau piqueur, je sais pas, je trouverais quelque chose à te le défoncer, hein. Oh. Je pense que ça doit pouvoir te faire plaisir, c'est ce que tu dois vouloir, c'est pour appeler les gens, pour leur casser les couilles avec une histoire de sextoy, je suis sûr que tu sais même pas ce que c'est, tu sais même pas t'en servir. Bah attendez, monsieur, moi je vous appelle juste pour vous poser une question, après, c'est pas la peine de s'emporter. Bon, je m'emporte pas, attends, j'ai vu sur le pain, je suis resté poli, non? Oui, enfin, vous un petit peu quand même... Ouais? Ouais, quand même. Non, quand même, je pense que je suis resté poli, là. J'aurais pas utilisé le mot poli. Cordial, peut-être, mais poli, je n'aurais pas utilisé. Ah non, je suis resté poli. Pour moi, je suis poli, là, pour l'instant, hein, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Bah, je voudrais pas savoir quand vous êtes énervé et mal poli, alors. Non, ça c'est sûr, vaut mieux pas. Ah bon, bah, très bien. Bah écoutez, alors je vais vous laisser, monsieur. Hein. Pas de soucis, hein, avec plaisir. Et merci beaucoup d'avoir répondu si gentiment à mes questions. De rien. Au revoir. Au revoir. On était dans le sud. Oui, mais un homme très charmant. Ben écoute, très charmant, oui, au demeurant, très, effectivement, oui, très tout gentil, à fait. Qui m'a proposé de me passer à la perceuse au marteau piqueur. Non, voilà, un homme très c'est charmant. Ça. Vraiment bien, vraiment bien. Mais il a directement vu qu'il fallait refaire ta gueule. Oui. Tu vois, ouais. Marteau piqueur, perceuse, tout ça, tranquille. Bon, tout à l'heure également, grande nouvelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir. On a eu Jean-Pierre Sauzer qui était en train de râler. Et donc, du coup, ben forcément, il y a un auditeur qui est arrivé en disant j'en ai ras le bol, Jean-Pierre Sauzer, il arrête pas de râler, etc., etc. Donc, vous savez, je n'ai pas les épaules pour faire ce genre de plan avec. J'ai dit qu'on allait faire un débat avec Jean-Pierre, avec les auditeurs, effectivement. Donc j'ai décidé de donner les rênes de l'émission quelques instants à Polo tout à l'heure, qui un vrai professionnel. Voilà, qui fera ça. Donc ce sera comment on pourrait appeler cette J'aime défendre les pauvres. Voilà. Comme Jean-Pierre. Déjà j'ai trouvé une musique. Attends, merde, la musique elle marche pas. Attends. Hop là. Voilà. On se croirait. Voilà, ce sera Polo contre le reste du monde. Ah ouais. Oui. Je vais défendre cet ignoble personnage qu'on appelle Jean-Pierre Sauzère. Ce sera l'avocat. Le ménestrel Polo. L'avocat, ouais. Bah, j'ai venez ça aussi. Débattre. Sinon, j'ai ça si tu veux aussi. Attends, j'ai ça. Non, je préfère la première. Tu préfères... tu préfères celle-là ou celle-là? Non, moi, je préfère celle-là, ça fait plus... Ouais. Bon, on peut alterner avec Hare Krishna. La musique espagnole? Non, ça non. Ou alors la France? Ah, celle-là est pas mal. Les gaillettes. Non, je crois qu'on va rester sur la première. Elle est mieux, c'est vrai. Ça va tellement mieux avec le pipeau. Alors, je voulais juste. Tu vois? Un petit mot pour ce débat, donc Jean-Pierre Sauzer. C'est pas un débat. C'est pas vraiment un débat, c'est. C'est Jean-Pierre Sauzer contre qui vient là. Il a été attaqué par de nombreux tweetos, donc oui. on va y aller, quoi. Alors, voilà. On a eu beaucoup d'appels. On va y aller. On a beaucoup d'appels pour réagir en contre, mais je cherche des gens pour. Mais on va les trouver. Appelez-moi. Donc, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, ce sera Polo contre le reste du monde, donc n'hésitez pas. Polo qui défend évidemment le la plus veuve faible. Et l'orphelin. Voilà, tout à fait. La veuve, je l'ai. Et l'orphelin, je l'aide. Voilà, c'est ça. Bon, donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, allez, je compte sur vous. Et puis il y a un message d'Anaïs qui dit rapport, elle est toujours là-dessus là. En tout cas, toujours un plaisir d'écouter. Merci Anaïs. Camille qui dit moi mon fantasme le plus profond, c'est de le faire avec Polo et Cyril Hanouna. Oh, avec Polo et Cyril Hanouna. Non mais là on est au top là quand même. On est au top du top. C'est la folie totale. Hakim aussi qui dit merci l'équipe pour la GoPro. Une grosse dédicace à toute l'équipe. Continue comme ça. De rien Hakim, avec plaisir. Let's be freaks. Quand on toffe, faut pas se scarifier, hein, mon toff d'amour. Mais non, mais c'est à cause du barbelé sur sa croix là. Et Megumi qui dit ah non, tu retires ce coup de pelle de suite. Je suis convalescente, tu n'as même pas remarqué mon absence, je boude. Bah si, on a vu qu'elle était absente. Mais bon, il y a un moment, on peut pas savoir. On peut pas tout savoir, Megumi. Qu'est-ce que t'as eu, Megumi, dis-nous. Et Théo qui dit est-ce possible que tu répètes le titre de la dernière de David Guetta. Oui, c'est Shut Me Down. Voilà. Et Jojo, c'est qui dit moi mon fantasme serait de le faire dans un avion ou dans un cinéma. Avion j'ai déjà essayé, cinéma jamais, mais l'avion c'est cool. Gogo 4845 qui dit mon fantasme le plus secret ce serait de me faire une prof dans l'école. Ouais, ça dépend des profs. Ludwig aussi, mon fantasme c'est de coucher avec une fille. Ouais, ça va c'est venir un mon bon pote, début. T'inquiète. Et Let's Be Fritz qui dit j'écoute depuis milieu août, j'aimerais bien un message de bienvenue sale tout droit de Furiani. Ah oui, si tu veux Let's Be Fritz, directement venu de Furiani, c'était c'était au mois de peut-être, je sais plus, juillet ou non, août. Ou tout septembre, on avait appelé, on était en Corse. Et ça avait donné ça, donc pour ceux qui découvrent, parce qu'il y en a toujours qui découvrent, on avait appelé et c'était un appel d'une traite. C'est-à-dire qu'on n'a pas remonté derrière, hein, c'est juste que le mec était tellement énervé qu'il a fait 17 secondes non-stop. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pédé de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, en toute simplicité. Bon, on aura Nicolas dans un instant pour parler des fantasmes. Guillaume également, qui appelle du 03. Salut Guillaume. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, Guillaume, plutôt pas mal. Qu'est-ce, de quoi on va parler avec toi, Guillaume? Bah en fait, j'ai ma copine qui n'est pas sûre de moi. En fait, elle croit que je la trompe. D'accord, bon alors Guillaume on va en parler dans quelques minutes, reste avec nous. Donc Nicolas on va le récupérer dans quelques instants. Et puis bah on vous l'avait promis, c'est un auditeur qui nous l'a demandé. Et comme on vous l'a dit, vous prenez le contrôle de Fun. Donc bah voilà, si vous avez envie d'écouter un son en particulier, n'hésitez pas à vous demander un son qui n'est pas encore passé à la radio. On est les premiers à vous le faire découvrir, le morceau justement. Et c'est l'occasion, dites-nous si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Enfin si vous n'aimez pas en l'occurrence. Hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. Je rappelle qu'il y a l'application qui existe également. Tapez Mickaël No Limit sur le sur iTunes et vous téléchargerez l'application, vous allez pouvoir écouter l'émission en live, vous allez pouvoir réagir, jouer, vous pouvez envoyer des messages, écouter les podcasts, etc. etc. L'application est gratuite, M-I-K-L No Limit. C'est Ibranicius Ibranovic avec Vicious. Voilà, Ibranovski avec Vicious. Voilà, on écoute ça maintenant, c'est parti. Et donnez vos avis. C'est grâce à un auditeur qu'on l'écoute maintenant en direct sur Fun. Il est minuit 52. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Ouais, voilà, le son de Ibranovski avec Vicious. Bon, c'est l'auteur qui l'a demandé tout à l'heure, hein, voilà, il a mis un petit peu de temps à le trouver, mais c'est bon, on l'a trouvé. Il y a Greg qui dit c'est énorme, énorme le son de Vicious. C'est Flo qui avait envoyé le message. Et Wendy qui dit pas mal le son. Eh ben voilà, comme ça vous avez entendu le nouveau David Guetta pour ceux qui connaissaient pas encore ce soir. Et puis le son d'Ibranovski donc avec Vicious. Bah c'est bien parce que je rappelle que c'est aussi les auditeurs qui avaient fait découvrir le son de The Flute avec New World Sound. Enfin New World Sound avec The Flute plutôt, qu'on avait découvert grâce à vous et que qui passe très souvent d'ailleurs sur Fun et partout, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Allez savoir, peut-être que Ibranovski va passer partout aussi. On sait jamais. Il y a des chances, hein, il est pas mal. Ah bah c'est ça, et en tout cas il est passé pour la première fois sur Fun Radio grâce à vous, quoi qu'il arrive. Souvenez-vous-en. Exactement. Il y a Devers qui dit moi perso son nouveau son, moi je sais pas vous, mais je le kiffe grave. Ça envoie du lourd, trop fort le son, c'est Alex qui avait envoyé le message. Et alors il y a Motus qui dit mon fantasme le faire dans un jacuzzi de mon taf. Sinon changez rien, vous déchirez. Merci Motus. Il y a Convenante ou Sans Venante. Je sais pas comment on dit, mais enfin bref, mon fantasme serait déjà culé sur la gueule. Avec plaisir. Si je peux te rendre service. Et Camille aussi, moi j'aime bien cette chanson. Tu peux rappeler le titre, j'ai pas bien compris la première fois. Oui, bah moi non plus je te rassure. Hein. 15 fois on a dû me l'expliquer et encore là maintenant il faut que je retourne dessus. Ibranovski, pense à Ibrahimovic. Ibranovski et le titre c'est Vicious. Vicious, voilà si vous voulez. Que du bon son, c'est Tess et donc bah, Camille qui a kiffé le morceau, donc tant mieux, c'est cool. Train Lover également qui dit moi j'aimerais bien le faire sous l'eau mais ça risque d'être trop ralenti. Bah trop ralenti non, par contre se faire sucer sous l'eau c'est cool. Ouais c'est un peu compliqué mais c'est pas mal. Bah il faut que la meuf ait de l'apnée quoi, ça c'est une certitude hein. Après pour le mec ça change pas grand chose hein, parce que lui il peut rester encore au-dessus de la surface tu vois. Oui c'est ça. Tranquille, c'est juste que la meuf doit être un petit peu. Elle doit avoir un peu de. Elle doit avoir un peu d'apnée quoi, voilà tout simplement. Bon, Nicolas. Mais non j'ai posé chez moi. Oui. Nicolas qui est avec nous, comment il va Nicolas? Ça va et toi? Bah tranquillement, tout va bien Nicolas. Bon alors Nico, c'est les fantasmes, tu nous appelles pour ça, puisqu'on s'est rendu compte que le top 10 des mecs, des fantasmes, donc c'était faire l'amour avec deux femmes, que leur meuf ait une tenue sexy. Bon l'amour avec deux femmes, pourquoi pas, les tenues sexy, bon bah ça paraît ouais, c'est ça logique. Paraît évident quoi. Une femme mature et sûre d'elle, ouais pourquoi pas. Faire l'amour dans un lieu public, ça ok. Faire des photos coquines et des films torrides, pourquoi pas. La femme soumise, pourquoi pas. Pratiquer l'échangisme, ça c'est vraiment pour les plus barrés quoi, on va dire. C'est pas le fantasme premier quoi. Non c'est ça, puis c'est pas vraiment un fantasme quoi. C'est plus un délire que tu fais une pratique fois. On va dire, je sais pas, ouais. S'exhiber ou faire l'amour avec une inconnue, pourquoi pas aussi. C'est quoi ton fantasme toi? Moi c'est de coucher avec deux femmes d'un certain âge, beaucoup plus âgées que moi. Ouais. À deux femmes, c'est-à-dire toi c'est même pas une, c'est deux d'un coup, direct. Deux d'un coup, ouais. C'est combien l'âge? C'est combien l'âge? Entre 40 et 50. Ah oui, t'es... Mais t'as quel âge? T'as 20 ans Nicolas, merde, putain. 40 ans je peux encore concevoir parce qu'il y a des meufs à 40 balais qui sont quand même encore plutôt bien foutues. Mais 50, ça... Non mais 50 ça commence, même si elle est bien, elle a 50 balais quoi. Oui c'est sûr mais je reste quand même dans le raisonnable. Non mais d'accord ok, mais 50 quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais 40. Bah ouais, c'est qui parle derrière et qui te souffle des trucs? Le pot les meilleures soupes tu vois. Nico voilà. Ouais voilà, non mais c'est ça hein. Non mais tu sais ça, tu n'as rien écouté ce que je viens de dire. C'est qui te souffle des trucs derrière là? Personne hein. Mais si arrête, il y a quelqu'un qui est en train. Et je le remarque parce que je déteste qu'on chuchote. Alors on parle plus fort. Ah et ben voilà, vous êtes nombreux, bah dites-le, y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Comment ils s'appellent les potes là? On est 5, c'était pas pour faire de bruit mais bon. Non voilà, mais comment ils s'appellent les potes là? Jonathan, Adrien, Thomas, Jordan, Le Cerf, on habite au Val. Ah oui, vous êtes 150 en fait, je m'attendais. franchement ça va, vous avez réussi à être discret parce que je pensais qu'il y avait qu'une seule personne, donc c'est pas mal. Bon et c'est quoi les fantasmes des potes là? Passe-moi Jonathan là pour voir. Allez je te passe Jonathan. Ça roule. Allô. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va et toi? Bah très bien, alors c'est quoi le fantasme chez toi? Moi je sais pas si j'ai le droit de le dire à la radio. Mais si, t'inquiète pas. Je te rappelle que Toff se fait attacher sur des croix, il se fait enculer par des godes avec des barbelés autour des bras. Donc j'ai aucun risque quoi. Je suis curieux de savoir ce que va devenir cette histoire à la fin de la saison. On est quand même une pipe sur une croix hein. Ouais c'est ça, ouais. Bah t'as évolué mec, c'est pas grave hein. Ouais, bon alors vas-y Jonathan, c'est quoi ton histoire toi? Moi je suis 18 ans et avec voilà je vais dire je m'amuse pas trop en ce moment parce que j'arrive pas à être réellement satisfait. Ouais. Donc j'aimerais plutôt me lancer dans on va dire un peu le scatophile, un peu le dégueulasse quoi. Oh, oh mais comment tu peux faire ça? C'est dégueulasse. Mais pas tu découvres la rave. Non mais vous êtes une ordure. Oh, mais oui, putain. Non tu te fous de notre gueule là quand même, rassure-moi. Comment? Tu te fous de notre gueule là, Jonathan? Non, je suis sérieux. Mais arrête, mais comment tu peux faire ça, scatophile, c'est dégueulasse. Je sais pas, mais... franchement. Attendez. Des comme ça sur internet et franchement, je sais pas pourquoi. Franchement, je pensais pas que c'était dans mon délire, mais ça m'a plu quoi. Quelle horreur. Mais pour ceux qui évidemment ne connaissent pas scatophile, Toff. Alors, scatophile. Ah, il est content, regarde. Ah, il est content, il peut pas faire une pratique. Et là, il va nous dire quoi? J'étais attaché sur la croix et puis il y avait un machin dans la bouche. Et il y a les tétons qui pointent et tout, c'est magnifique. Non, parce que justement, moi j'avais une question sur le scatophile aussi. C'est juste la merde ou. Ah, c'est que de la merde. Ou pisser, ça compte non, aussi. Non, pisse, c'est de la. Non, c'est la autre chose. Ah, parce que. Non, que la merde. Genre, par exemple, je sais pas, dans une baignoire sans servir comme shampoing ou quoi, tu vois. Non mais c'est pas possible, je peux pas concevoir ça, je peux pas. Par contre, servir comme shampoing. Le mec, il ça le fait border le mec. Moi, je pense que je peux me raser les cheveux là. Ouais. Alors pour la merde, bon, mais pour ce qui est de la pisse, par contre, ça, j'avais une meuf avec qui je sortis, dont une des copines, il était allé la voir en lui disant ouais, écoute, moi mon mec, il aime bien pisser dessus et tout. Non mais vous êtes une ordure. Et donc elle était. Et donc elle m'avait demandé si moi j'aurais kiffé lui pisser dessus. Et donc pas du tout. Et donc elle, voilà, c'était juste pour ça. Mais donc il y a des gens qui trouvent ça tout à fait normal de se pisser dessus. Mais quelle horreur. Tu disais, Jonathan? Moi j'ai eu une meuf comme ça, genre quand j'étais plus jeune, j'avais 15 piges à l'époque et elle voulait que je lui pisse dessus, mais j'avais pas osé en fait. Sans déconner, mais enfin moi je pourrais pas. Ma meuf m'a dit mais pisse-moi dessus. Comment ça, pisse-toi dessus? Non mais c'est impossible. Attends, mais comment est-ce possible? Enfin, je comprends pas. Comment ça? C'est quoi le délire? Écoute, je comprends moi, pas. Ça je m'est comprends arrivé, pas. Perso. Ah oui. Ouais mais toi c'est différent toi. Qu'est-ce que t'as kiffé? Voilà. Pas du tout. On rappelle, Sandro, elle dormait avec son mec. Son mec était bourré, il a cru qu'il a rêvé qu'il était au shot et il s'est levé et en fait il a pissé dessus. Mais c'était pas dans un délire de sexuel quoi. Ah bah peut-être ouais. Dans son rêve hein, bah mais peut-être pas peut-être dans son rêve ouais. Ça lui a quand même fait une golden shower gratuite. Ah bah ça c'est sûr ouais. Bon, Nicolas et Jonathan, alors il y a qui comme autre pote là à côté de vous? Je peux m'en servir comme shampoing. Bon, passe-moi Adrien. Allez hop, c'est tombé sur Adrien là au hasard. Hop, c'est parti là. Adrien. Allô. Comment Allô. Ça va Adrien? Ça va tranquille et vous? Bah ça va très bien toi. Bon, c'est quoi ton fantasme? J'espère qu'on évolue dans le pire au pire. Enfin, non, pire. Moi, c'est pas à ce point-là. D'ailleurs, on va le faire sortir de la voiture, ça fait un peu peur. T'as raison, il vire-le, il est ouf. Bon, ouais. C'est non, quoi moi, chez toi? Ce que j'aimerais bien essayer, c'est les femmes fontaines, au moins une. Oh ah si, bah, ouais, ça, si, moi, bah, c'est un délire que je voudrais faire aussi une fois. Mais enfin, mais c'est pas possible d'avoir une meuf comme ça et puis. Si, ça doit être énorme, t'imagines, tu l'as fait jouer et après. Au moins, c'est sûr qu'elle a pris son pied. Ouais. Mais moi, je suis tombé sur une fois sur une femme fontaine, mais c'était. J'y arrivais jamais avec les doigts, donc du coup, je voyais jamais le jet, donc j'étais super déçu à chaque fois. Mais c'est pas possible, t'arrives, t'es avec une meuf et puis t'as ça. Mais c'est. Attends, c'est. Et puis t'en sens et que ça arrive et que ça arrive et que ça arrive. Et puis il y a un moment, c'est ça. Hop, c'est parti quoi. Non mais. La première fois que ça t'arrive, c'est super impressionnant. Ah ouais? Il est bien. Il est bien. Avec sa femme fontaine, il est bien. Il flotte. Tu sais, il a gonflé son petit bateau avec ses rames là. Il est là. Il a le petit truc là. Ouais, sa bouée canard. Et puis il a son petit tuba. Il y va avec ses palmes. Mais il est bien. Ouais, Adrien, tu dis? Moi, je laissais pas parler. Adrien? Adrien? Attends, c'est qui que j'avais au téléphone? C'est Adrien avec la femme fontaine là? C'est là. Ah bon, très bien. Bon, et donc toi, femme fontaine, c'est un truc que t'aimerais bien faire? Ouais, j'aimerais essayer, ouais. Non, bah écoute, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Très bien. Moi non plus. Moi tu m'as pas dit pourquoi pas, tu m'as dit que j'étais un dégueulasse. Mais il a raison, c'est dégueulasse. De quoi, la scatophilie ou le... C'est un fou. Ah non mais le scato lui est dégueulasse, lui, mais sortez-le de la voiture là. Oh quelle horreur. Alors que la femme fontaine, c'est bah voilà, c'est normal, c'est naturel pour la meuf, c'est qu'elle juste qu'elle a pris son pied quoi. Ouais, mais enfin bon quand même, minimum quoi. Bon bah merci les gars d'être passés hein. Merci. Allez. On peut faire une dédicace? Allez, vas-y. Dédicace à tout le Val 83. Grosse dédicace. Très bien, bon on embrasse tout le monde. Moi aussi je vais faire une dédicace. Allez, moi, vas-y. Je fais un gros bisou à Amélie dans le 28. Très bien, et eh ben on l'embrasse sur tout off. Ah oui, avec la langue. Allez, salut les mecs, et puis bonne soirée à vous. Et virez le scatophile de la voiture. Virez le scato de la voiture. Voilà, allez, salut à vous, bye bye, et merci d'avoir appelé. Guillaume, qu'on va récupérer là maintenant, là. Et puis dites-nous encore si vous avez des fantasmes, les mecs et les garçons, les mecs et les filles, là. On en parle ce soir jusqu'à minuit. Il y aura également Polo contre le reste du monde tout à l'heure. Hein. Il sera là pour défendre la veuve et l'orphelin, surtout Jean-Pierre Sauzère, qu'on aura tout à l'heure au téléphone. D'ailleurs, si vous voulez, si vous voulez passer au standard pour défoncer Jean-Pierre Sauzère, ou au contraire, pour dire que vous l'aimez bien, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. N'hésitez pas, ce sera tout à l'heure dans Polo contre le reste du monde. Voilà, ce sera tout à l'heure. Il y a Yems aussi qui dit je suis trop mort de rire, le bruit. Jay Lapointe qui dit salut, mon fantasme c'est de flageller la gueule de Toff avec une cravache et lui mettre les couilles dans un étau. Tout ça est fort sympathique, non. Je t'en remercie. Plus sérieusement, faire l'amour dans un train avec une inconnue, ça c'est sympa. Ariel qui dit les femmes fontaines, c'est celle qui à qui tu jettes une pièce. Ah bah ça dépend, il y a tellement de flotte que oui. Camille encore qui dit allez Polo veut bien réaliser mon fantasme. Ah oui Camille, c'est celle qui veut qui veut se taper Polo et Cyril Hanouna en même temps. Ouais, alors envoie une photo, moi c'est possible, mais je sais pas si Cyril va être d'accord. Bon, on l'appelle au pire. On l'appellera. Il y a Samy qui dit, moi mon fantasme c'est de le faire avec trois meufs dans la piscine, et Megumi qui dit, je soutiens Sandro. Nous on sait ce que c'est de se faire pisser dessus, et ça donne des envies de couper ce qui passe. À toi aussi, Megumi, tu t'es fait pisser dessus. On a de la chance. Ah bah oui, Orgagasmi qui dit, je la refais, je veux que mon copain me fasse l'amour avec un costume de nounours ou de lapin, c'est très bizarre. Oui, là, effectivement. Mais il y en a, ouais, ça, il y a beaucoup de fantasmes de ça. Ah ouais, ouais, bah oui, j'imagine. Et Yams qui dit aussi, mort de rire, dégueu, même ses potes, ils rigolent, c'est clair. Et Delphine qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes, fantasme de ma meilleure amie Marianne, couchée avec un nain. Bah écoute, pourquoi pas, après, chacun son fantasme. Après, le fantasme, c'est aussi l'imagination, etc. Mais c'est pas forcément pour le faire. C'est quand même super pratique, un nain ou une naine. Tu as pas besoin de se mettre à genoux pour te sucer ou pour te faire un cuni. C'est vrai. Merci, Toff. Bon, mais et puis, prix. Jérôme, dans un instant, qui voulait réagir aux femmes fontaines. Et Guillaume, sa copine ne lui fait plus confiance. On va en parler dans quelques minutes, Guillaume. Tu restes là, j'avais promis le son de Martin Garrix. On va l'écouter et on te reprend juste après, d'accord? Oui. Bon, bouge pas de là, Guillaume. Il est 1h07 sur Fun Radio. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit. Et puis on va se faire, comme promis, le son de Martin Garrix maintenant. Le petit Hollandais qu'on va écouter maintenant, c'est Wizard sur Fun Radio. Martin Garrix sur Fun Radio avec Wizard. Restez bien sur Fun puisque je vous cale tout à l'heure aussi le nouveau son de Avicii. Eh oui, avec Addicted to You, il y aura aussi Chucky. Et bien sûr, vous avez découvert, enfin que vous nous avez fait découvrir, New World Sound sur Fun Radio, The Flute. Voilà, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio avant 2h du mat, ça. Restez bien là, il y aura aussi Polo contre le reste du monde, hein, c'est pour défendre la veuve et l'orphelin. Je suis comme ça. Voilà. Chevauchant mon âne, tof, j'irai combattre les gens moches, les gens méchants. Exactement. Voilà. Et je rappelle que ce soir, ce sont les auditeurs qui en ont marre de Jean-Pierre Sauzère. Et donc, du coup, eh bien, Polo sera le défendeur de Jean-Pierre Sauzère. C'est ça. Si vous êtes pour ou contre Jean-Pierre Sauzère, n'hésitez pas d'ailleurs, bien sûr, à venir nous en parler. On fera ce petit débat tout à l'heure, là. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et donc, marre de Jean-Pierre Sauzère, hein, qui est quand même top tweet numéro 1 ce soir. Ah, mais fou le top tweet. Ça promet. Ce sera tout à l'heure sur Fun. Restez bien là, ce sera avant 2h. Le prince Néa qui dit, je suis une hétéro à 100%, mais je le ferai bien avec une fille comme ça un soir pour essayer. C'est un de mes fantasmes. Florian qui dit, moi mon fantasme c'est quoi? C'est une maison pleine de femmes et pleine de Viagra, mort de rire, pour pas perdre une seconde. Alan aussi qui dit, à donf dans mes oreilles, j'ai votre appli qui marche à plein régime, ça c'est cool. Tess aussi qui dit fantasme, faire l'amour dans une pièce avec plein de miroirs. Ah oui, ça peut être rigolo ça. Xavier, ah non, les meufs elles seraient dire, ah ben non, je peux pas, envoie mon cru, envoie mon recul. Ah mais regarde, j'ai un mauvais profil. Ouais, mais tu l'auras de partout le profil. J'ai un bouton là. Ah bah bien sûr. Xavier qui dit, salut à tous, je vous écoute au taf, t'es trop fort. Eh ben, il va être bien fait le taf, Xavier, c'est bien ça. Et Dédé qui dit, chauffeur routier, c'est une vocation, j'exerce ce boulot, je l'adore, mais faire de la radio la nuit m'aurait bien plu également, Dédé. Bah passe à l'occasion alors, quand t'es dans le coin là, si jamais tu passes en tout cas. Bon, alors, Guillaume. Oui. Avant de parler des femmes fontaines, j'avais dit qu'on parlerait avec toi, c'est donc chose faite. Notre ami Guillaume qui est avec nous et sa meuf a plus confiance en toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Bah en fait, on se prend la tête souvent nous, parce que elle croit que je vais voir une autre fille. Et pourquoi elle croit ça? Parce que c'est que t'as fait une connerie si elle le croit. C'est qu'à un moment donné, t'as eu des envies ou t'as dit quelque chose ou non? Non, parce que, son ex lui a fait du mal, donc elle croit que je suis comme ça en fait. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Oui, c'est un peu comme Toff qui s'est fait prendre pour un con par son ex-meuf. Et une de ses ex plutôt, enfin sa première en fait, en gros, hein, sa première grande histoire d'amour. Et depuis, c'est un gros connard parce qu'en fait, il fait payer à toutes les autres meufs ce que sa première lui a fait. Et donc, du coup, c'est un peu ça avec ta meuf, Guillaume. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il lui avait fait, son ex? Bah, il l'a trompé en fait. Ah, oui, d'accord, ok, bah oui, forcément. Et donc, du coup, bah, elle a pas confiance, tous les mecs sont des connards, etc., etc. Voilà, et bah, du coup, en fait, on doit se voir normalement et. Elle veut pas parce qu'elle se dit, ouais, s'il y a mon ex, tu vas te battre avec lui et tout. Quoi? Mais attends, mais il est où l'ex? Ben, il est Il est dehors, parce que moi je suis dans un foyer, et il est dans le même foyer que moi en fait. Oh là là. Ah oui d'accord, ok. Bon, et donc du coup, t'as pas essayé de parler avec ta meuf, hein, simplement lui expliquant que y avait pas de problème, que tu tenais à elle, et que tu voulais pas la tromper, et que... Ouais. Si, je lui ai dit, mais elle me croit, mais elle a des... Enfin, elle croit que je vais me battre avec son mec en fait. D'accord, alors, parce que là, qu'est-ce que qu'on fasse pour toi, on peut rien faire là, mon pote. Non mais enfin je voulais juste vous en parler quoi. D'accord, non mais d'accord, ok. Parce que. Et puis enfin je voulais essayer de voir avec elle, mais elle dort à cette heure-là donc. Ah oui là oui, à sortie effectivement. Et tu nous aurais dit on aurait essayé d'appeler plus tôt, mais oui là on peut pas faire grand chose, hein, à part lui dire que tu tiens à elle et que tu comptes enfin qu'elle te fasse confiance et qu'elle te laisse au moins le bénéfice du doute et qu'elle te laisse tester. Je veux dire le reste, on peut pas faire grand chose, hein, pour le coup malheureusement. Ouais. Là malheureusement, faudra faire avec. Mais dites-nous tiens, si vous avez déjà eu parce que c'est une meuf relou. Certainement. Non, c'est pas ça. Non, mais si vous êtes déjà peut-être tombé sur une meuf ou sur un mec, hein, qui avait pas forcément confiance au début, qu'est-ce que vous avez fait pour que la confiance s'installe? Ça, on peut en parler. Hein, suffit de nous appeler. 01 42 48 5000, je vais m'étouffer. Et puis pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bah Guillaume, du coup, reste avec nous, hein, ne bouge pas de là. Elliot, bon, quand est-ce qu'on comment on peut s'arranger pour que tu passes à la radio un dimanche soir alors? Pendant les vacances. Et oui, c'est vrai, c'est quand les vacances là? Je passe dans 3 semaines, sachant que moi j'ai un stage. D'accord. J'ai une semaine de stage avant. D'accord, bah écoute, tu sais quoi, je te repasse Sandro, et puis tu gères avec elle pour qu'on organise le passage. Ok, et tu viendrais avec ta mère ou pas? Je sais pas, peut-être tout seul. Ah, et tu ramèneras ton 4 ans. Il faut qu'il y ait un parent. Toff, il préfère que ce soit ta mère, mais. Bah oui, je préfère. Elle est à la limite ta sœur, mais pas. Ouais, ramène ton petit repas, hein. Ta petite banane, ton gâteau, des BN et tout. Voilà, et ta petite bouteille de lait au chocolat. Exactement. Et est-ce que ça serait possible un peu de parler de la radio? De parler de la radio? Qu'est-ce que tu veux dire, la radio? Bah, c'est en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on a à peu près 4000 auditeurs, à peu près. Et c'est, comment dire, on... Ah, de ta web radio? Ouais. Ah, d'accord, tu veux faire de la pub? Ouais, de faire de la pub et puis... Mais c'est bien que j'ai 4000 auditeurs, hein. Oui, c'est même énorme. C'est même plutôt pas mal, hein. Et du coup, bah vas-y, c'est quoi? La radio, qui aimerait bien voir ça. Ah, bah c'est clair. Alors, en fait, la radio, c'est Clubbing Radio. Ouais. Donc, je peux vous envoyer le lien et puis là, pour l'instant, on va... Là, je vais peut-être faire des fêtes dans Paris 5e pour essayer de me faire un peu de thunes et puis après pour acheter des trucs pour la radio. Ah, pour racheter la radio, lui. Ouais, t'as raison. Ouais, non. Je vais me faire un peu de thunes, comme ça je rachète la radio. Ah non, mais t'es bien, toi. Eh, t'as le sens des affaires, Elliot. Hein. Eh, t'as pas bientôt... tu peux pas avoir un petit set exclusif de David Guetta à l'occasion, là? Bah là, en fait, là, normalement, là, je vais me faire confier que mon portable parce que ma mère ne le savait pas. Ah oui. Ah oui, c'est mal barré, non. Si tu veux lui demander de venir à la radio, hein, si elle te grille là. Non, mais ça serait avec mon père. Ah merde. Oh merde. Oh putain, fais chier. Oh, je suis déçu. Non, mais on fera avec, tant pis, hein, c'est pas grave. Bon, écoute, je te repasse Sandro, tu gères avec elle et puis on te fera venir un dimanche soir, d'accord? Ok. Bon, ça roule. Tu savais que Toff avait une web radio? C'est SM en radio. c'est le, alors le jingle, c'est quoi? C'est Donjon, Cri. Violence et fist. Voilà, c'est ça. C'est... Bienvenue sur SM Radio avec Toff. Exactement, c'est la radio des crucifiés. Ouais. Voilà. Et donc le principe de l'émission, c'est que pendant toute l'émission, je suis fouetté. Exactement. C'est vachement bien. Ouais, exactement. Et sinon quoi? Et sinon, vous savez pourquoi je peux pas frapper Toff? Bah si tu viens, tu peux le frapper, bien sûr. Bah bien sûr. Voilà, là, je suis punching ball humain. Tu lui mets une bonne claque dans sa gueule, il va kiffer. T'inquiète. Non, parce que je me sois le maltraite d'autres animaux. Sinon quoi? Sinon sur la maltraitance contre animaux. Il est con. Bon allez Elliot, je te repasse Sandro, d'accord? Ok. Salut Elliot, merci de t'être passé, bye bye. Ah, il a fait ça, va, il est content. Bon, Jérôme est avec nous également maintenant là. Jérôme, 34 ans de Franconville, comment ça va Jérôme? Oui, bah ça va bien. Bonsoir. Bon, et j'aimerais bien avoir des filles aussi pour parler des fantasmes là. Quels sont vos fantasmes? Alors c'est vrai que c'est un top 10 du fantasme des mecs, mais justement les filles, c'est quoi les vôtres? Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Donc pour les mecs, le top 10 c'est faire l'amour avec deux femmes, une tenue sexy, une femme mature et sûre d'elle, faire l'amour dans un lieu public, faire des photos coquines et des films torrides, une femme soumise, pratiquer l'échangisme, pardon, s'exhiber et faire l'amour avec une inconnue. Voilà, ça c'est le top 10 des mecs. Et je voulais savoir chez vous les filles c'est quoi. Bon, donc vous nous appelez, on vous attend. En attendant, il y a notre ami Jérôme qui est avec nous. Jérôme, t'es là? Oui, alors moi j'en ai trouvé un pour teuf par rapport aux femmes, c'est lui écraser les couilles avec des talons aiguilles. Ah, pas mal. C'est bien, non? Bah écoute, c'est plutôt bien, effectivement, ouais. Ouais. Bah si, c'est bien, toi, il va kiffer, bah, bien sûr. T'as pas essayé, c'est pour ça, t'as. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Bah voilà, c'est ça. Je me demandais pourquoi, et c'est parce que j'ai pas essayé. Exactement. Voilà. Bon. Bah, écoute, j'essaierai un jour. Mais c'est mieux, ouais. Bon, alors du coup, toi, tu voulais parler des femmes fontaines. Oui, voilà, tout à fait. Donc moi, je suis avec une. Voilà. Une femme un peu plus âgée que moi. Ouais. Et en fait, maintenant elle est fontaine. Avant elle n'y était pas du tout. Maintenant elle est fontaine. Avant ça pas. Ça peut se déclencher comme ça. Ah d'accord. Oui, bah il suffit de tirer sur la pompe et après la fontaine part quoi. Non. Alors non, en fait, si tu veux, c'est alors déjà d'une, faut qu'elle puisse se lâcher. Ah oui, bah là elle se lâche, hein, ça c'est sûr. Voilà, hein. Voilà. Après, pour les filles, ce sera plus facile à comprendre. En fait, si tu veux, c'est que. Comment t'expliquer? Pour prendre son expression, c'est qu'elle arrive dans un endroit où en fait, il y a une comme si c'était une grande vague qui arrivait, et qu'elle contrôle plus rien. Un tsunami? Non, pas un tsunami. C'est parce que j'ai posé la question. Je dis non, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est un endroit où on sent que ça arrive et on peut rien faire quoi. Donc au départ, elle avait très peur d'y aller. Ah, hein? Ça pleut là. Il pleut. Voilà. C'est elle qui y va. Ah bah oui, c'est c'est elle, la fontaine. Bah oui, voyons. Ouais, parce que si elle se lâche pas, ça marche pas. Ah bah oui. Voilà, tu sais, à l'origine, la fontaine, c'est l'éjaculation féminine quand même. Exactement, oui. Mais oui, mais c'est pas toi qui la déclenche. Ah, c'est moi qui la déclenche. Mais il faut si qu'elle ait envie. Si elle n'est pas prête à y aller, elle part pas. Hein. Bah c'est comme un mec quand il éjacule, c'est toi qui déclenche. Voilà, c'est bah oui. C'est toi qui fais que. Non mais je comprends pas qu'elle soit passée du jour au lendemain en fait en femme fontaine. Ah, elle est pas passée, ah non mais elle a été. Elle est pas passée du jour au lendemain. Ah non, il l'a travaillée. Voilà, il a posé la tuyauterie et tout. C'est ça. Bien ouais. Sûr. Exactement, au mais ça sera. Au bout de 2-3 mois, je lui dis voilà, je lui fais bah écoute, apparemment, t'es fontaine. Elle m'a dit non, je lui dis bah si, et au moment où je suis sorti, hop, c'est sorti. Alors, pas grande fontaine, mais bon. Mais fontaine, quoi. Pas, ouais. pas grosse fontaine, mais petite fontaine. Bah, c'est ça, ils ont eu de l'eau pour une semaine, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Alors elle, attends, juste une question. Oui. Ça voudrait dire que toutes les femmes peuvent être fontaines? Oui, apparemment. Ah bah, oui. Bien d'accord. Sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Voilà. Non mais non, apparemment c'est vrai que ça peut arriver chez tout le monde, ouais. Voilà, c'est plutôt fontaine, voilà, je ne giflerai pas de ta chatte, mais... Merci, Tof. Tout en finesse, vous avez toujours remarqué. Toujours, comme d'habitude. Bah oui. C'est comme ça. Avec non, mais c'est sûr. Et du coup, toi, t'aimes bien? Ah bah bien sûr, tu prends ton pied incroyable. Ah putain, moi, je pourrais pas être en train de faire un cuit et puis après être presque... C'est comme si t'étais noyé, quoi. T'imagines, t'arrives à l'hôpital, il est noyé. Il est noyé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dans la piscine? Non, il me faisait un cuit. Oh putain, l'angoisse. Non, mais je t'explique. Alors, il y a peut-être plusieurs choses, après, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que, bon, on va dire, je suis assez bien gâté par la nature. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'arrive à toucher au fond, d'accord, en rentrant entièrement. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il a une petite chatte. Non, bah, moins que la tienne, voyons. Attends, c'était quoi l'expression encore que tu nous avais donnée? Ta peau fond, c'était quoi? Ta peau fond, je suis pas ta mère. Ouais. Non, et en fait, exceptionnel. Si tu veux, c'est qu'au moment où je tape au fond, je touche le clitoris face à un certain endroit. Et c'est en faisant ça plusieurs fois de suite que là, ça, elle part en sucette. C'est qu'à un moment donné, elle crie et après, elle s'arrête de crier parce qu'elle n'arrive plus à gérer. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc toi, tu tapes au fond, toi. T'es gâté par la nature. Bah... Mais ça dépend du fond, hein. Mais elle nous fait et elle nous fait combien, ton gâté par la nature? Alors, je sais pas, à peu près 23, quelque chose comme ça. Mec, c'est pas gâté par la nature, là. T'es un cheval, mec. Il y en a une qui m'a dit que j'aurais dû faire des films, mais bon. Ah bah voilà. Parce que 23 cm, alors attends. Non, ouais, 23 cm, il est. La taille du micro là. Bah, je crois que c'est ça à peu près. Hein. Attends, je sais qu'à l'iPhone ça fait 12. En ça, fait, c'est 21. Ah bah ouais, ça c'est 21. Ouais, ouais, alors attends, voilà. c'est la taille du micro, mec, je peux te dire que. Comment te dire? C'est juste énormissime. Je sais pas si vous avez vu les micros qu'on a à la radio là. Allez voir sur le Facebook, on a fait pas mal de photos où on voit les micros. C'est juste énormissime. Une feuille de papier, c'est 21. Ouais, bah voilà, donc c'est plus grand sur le petit côté. Hein. Ouais, le petit côté, ouais, le grand, c'est 27. Voilà, donc c'est énorme. Voilà, ouais. Le problème, c'est pour trouver des préservatifs. Parce que j'ai été dans tous les magasins, grande taille, il y en a quasiment pas. Et des fois, c'est un peu juste. Ah bah oui, t'en prends deux, tu les colles. Non, mais oui, c'est ça, là, ce conseil de merde. Non, mais sur le coup, c'est vrai que même pour le coup, les capotes grande taille, bah oui, elles sont grande taille par rapport à la moyenne, mais toi, t'es hors norme, mec. Ah, bah oui, j'en ai une qui m'a dit ça, oui. Ah oui, oui, t'es au-delà de la moyenne, hein, c'est. Il te reste toujours le sac poubelle, hein, tu mets un sac poubelle par-dessus. Et puis tu vas continuer à te flatter et te lancer des fleurs longtemps, là, comme ça. Ouais, l'autre, j'ai une énorme bite, mais je suis énorme. Je provoque des fontaines, des cataclysmes. Et il se la ramène. Bon, eh ben attends, Jérôme, là, reste avec nous. Il y a Yacine également, là, qui va nous parler des fantasmes dans quelques instants. T'es là, Yacine ? Ça va, ça va. Bah, ça va très bien, et toi ? Ça va, tranquille. Hein. Bon, reste avec nous, Yacine. Il y aura Heidi également. Salut, Heidi. Ah, salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bonne année à tous. Eh bah, bonne année à toi aussi. Heidi, c'est un prénom de fille. Bah, non. Non, bah, en fait, oui, c'est vrai qu'on me le dit tout le temps, mais... Et Heidi, c'est dans la montagne, là, avec le grand-père. La montagne, là. C'est ça, bah, oui, mais bon. Non. D'ailleurs, je pensais que c'était une fille, effectivement, mais malheureusement, c'est un homme, c'est dommage. Ah, bah non, je n'aurai toujours pas d'avis féminin sur les fantasmes. C'est dingue, les filles, vous êtes coincées quand même. Là. On va pas vous manger. Promis, si vous passez à l'antenne, on l'attache tof. On le musle. Oh, c'est nul ça. Voilà, donc les filles, appelez-moi 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et New World Sound maintenant, The Flute sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Le son de New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Il y aura Avicii Harry qui va arriver avec Addicted to You. Il y a Let's Be Free qui dit on parle pas de nos fantasmes, nous sommes pudiques. Et ouais, au même moment, Stéphanini qui dit mon fantasme, c'est dans une limousine avec plein de monde autour qui ne pourrait rien voir avec les vitres teintées. Ou encore Delphine depuis l'application iPhone qui dit autre fantasme, dépucelé un homme. Ah ouais, pourquoi pas, ça peut être bien ça aussi pour les filles. N'est-ce pas qui dit aussi, j'avais entendu une étude qui disait que toutes les filles étaient fontaines et que ça pouvait se déclencher selon le partenaire. Bah apparemment, c'est également qui dit aux États-Unis il y a des cours pour apprendre à être femme fontaine, apparemment toutes les meufs peuvent l'être. Et puis Jay Lapointe sur le Femme Fontaine School, exactement. Jay Lapointe sur le Facebook, il dit pour Guillaume, il faut qu'il reste lui-même et pas qu'il en fasse trop avec sa meuf, parce que s'il en fait trop, elle peut croire qu'il a des choses à se faire pardonner. Seul le temps pourra installer la confiance. Ouais, Guillaume qui nous avait appelé parce que sa meuf avait pas confiance, etc., etc. Le Prince Nadia qui dit c'est quoi la fréquence de SM Radio, c'est 69.69 FM. Oui, c'est une très belle fréquence. Voilà, que personne peut capter, mais ça existe. Mon fantasme, c'est de déglinguer la rondelle de Sandro. C'est Ewan qui avait envoyé le message. Ah bah c'est charmant ça. Et Tess aussi qui dit fais-lui l'amour comme un dieu et casse la gueule de l'ex. Et t'inquiète, tu seras son héros et elle aura confiance. Ah, je ne suis pas certain, cela dit au passage, mais pourquoi pas. Bon, on fait encore des appels avec Toff, les derniers de la journée là. Allons-y. Allez, c'est parti, puisque nous sommes tombés tout à l'heure, je le rappelle, sur un sondage qui disait que 22% des filles seulement avaient un sextoy à la maison. Oui. Ce qui est décevant, comme chiffre. C'est très très nul. Heureusement, nous sommes là depuis le mois de juillet grâce à passagedudésir.fr. Nous en offrons bien évidemment tous les soirs. Ce soir exceptionnellement pas de top putos, puisque le programme que nous avions ne marche plus et que ben on en aura un autre demain, celui qui compte vos tweets en fait. Apparemment vous étiez trop nombreux. Du voilà, coup, ça fait exploser la machine. Exactement. Bon, donc du coup on refera ça demain normalement, rassurez-vous. Bon, on fait les appels maintenant ? Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on appelle grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, continuez d'ailleurs, si vous avez encore des numéros, vous les envoyez avec plaisir. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des sextoys chez vous. Mais vous vous foutez de ma gueule ? Vous n'êtes pas vigilé, vous autres. Bah, non, mais ça répond pas à ma question, tout ça, madame. Voilà, au revoir monsieur. Bah attendez, vous n'avez pas répondu à la question. Oh, on pourrait faire un effort quand même là. On sent bien qu'on est en Belgique. Hein. Oui, là tout de suite, oui. Vous n'êtes pas vigilé, vous autres. Vous n'êtes pas vigilé, vous autres. Allez hop, on rappelle, c'est parti. Allô ? Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à la question, madame. Oui, j'ai coupé volontairement, je n'ai pas besoin de ça. Mais non, c'est moi qui ai besoin de votre réponse, madame. Mais elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin de ça. Bon, on rappelle encore un coup, allez hop. On y retourne. Ah, je croyais que ça avait décroché. Vous m'emmerdez ! Mais enfin, madame, pourquoi vous dites ça ? Allô ? Pourquoi vous dites ? Bon, bah, ce fut un échec global. Hein. Oui, je suis très déçu. Ah, bah oui, c'est. Total et global. Total et global au niveau de l'échec. Là, ce soir, là, c'est. On n'a aucune réponse, hein ? Non, zéro. On ne saura pas si quelqu'un. Si les filles ont des sextoys à la maison. J'ai un nouveau fantasme là. Depuis tout à l'heure, je regarde Tom parce qu'il est en face de moi. Je lui chierais bien la gueule. Oh ! Non, mais tu vois direct. Sans faux semblant, sans. Bon, bah on va te présenter le mec qui était dans la voiture avec les potes là tout à l'heure. Vous arrangerez tous les deux. Voilà, Jonathan, je pense, si mes souvenirs sont bons. Let's Be Freaks qui dit fantasme avec Toff sous une cascade. Quelle horreur. Ah, la vision. Ah, j'imagine Let's Be Freak avec Toff. Quelle horreur. Oh là là, mais comment on peut avoir envie de Toff sous une cascade? Enfin, même sans cascade, mais bon. Axilo qui dit, moi, mon fantasme, ce serait le farting, se faire péter dessus, mais aucune meuf a voulu. Oui, effectivement, c'est bizarre. Bah déjà, faut qu'elle ait envie, quoi. Ouais, aussi, t'imagines, est-ce que je peux te proposer un truc? Ouais, vas-y, t'es la meuf surexcitée. Elle a mis tout. Est-ce que je peux te péter dessus? Est-ce que je peux te péter dessus? Oh, quel truc violent, quand même. Et Antoine aussi, sur le Facebook, il dit, je n'attends que Polo contre le reste du monde, parce que Polo, c'est le Heroes. Ah ouais, ah bah oui, le Heroes. Ah ouais, le Heroes. Greg aussi, qui dit, moi, je voulais devenir basketteur professionnel et mon rêve est sur le point de se réaliser. Cool, Greg, bravo à toi. Et Samy aussi, sur le Facebook, ma sœur qui vous écoute aussi, son fantasme, c'est de briser les couilles à Toff et de lui en mettre plein la gueule. Merci. Et bien qu'elle n'hésite pas à se présenter. Je vous ai demandé aussi ce que vous feriez comme taf si vous avez la possibilité de changer ou de choisir encore. Faria qui dit, moi j'aimerais être hôtesse de l'air. Il y a N'est-ce pas sur le Twitter qui dit, j'aurais bien tenté mannequin, mais il y a trop de contraintes. Ah bah après ça dépend de ta tronche aussi, n'est-ce pas, hein, ça c'est sûr. Il y a Wendy qui dit, j'hésite maintenant entre commerce international et traduction, mais quoi qu'il arrive, je vais morfler à la fac vu ma voie scolaire. Et de Gogo 48-45 qui dit, Mickaël, barman c'est mon rêve, je fais déjà mes propres cocktails. Eh bah passe à la radio pour nous faire les cocktails. Bah, là. Évidemment. Ah bah bien sûr. Tu es le bienvenu. Mais bien sûr, moi je rêve d'être médecin urgentiste, c'est Let's Be Freak. C'est Sullivan qui dit, je voudrais devenir rugbyman, cuisinier ou journaliste sportif. Alors rugbyman ou journaliste sportif, why not, mais cuisinier au milieu, ça fait bizarre quand même, hein. Ouais, mais regarde l'autre là qui est dans Top Chef, non, ou dans Master Chef, là, il était rugbyman avant. Oh, oui, c'est vrai. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus non plus, mais c'est vrai qu'il l'a été. Bon, continuons à parler de fantasmes avec Yacine qui est avec nous de Toulouse. Allô Yacine. Allô. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, oui, très bien. Bonne nouvelle, on aura une fille dans quelques minutes. Et on aura aussi Polo contre le reste du monde. Yeah. Hein, avec le gros débat depuis hier sur Jean-Pierre Sauzère, hein, des auditeurs. Faut-il, oui ou non, suspendre Jean-Pierre Sauzère? Voilà, vos avis, évidemment, en tant qu'auditeur, vous pouvez donner votre avis pour ou contre. 01 42 48 5000, on fera ça tout à l'heure avant la fin de l'émission, évidemment. Ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, alors Yacine, c'est quoi ton fantasme? Ben, en fait, quand je fais l'amour, j'aime bien que... Mais quand voilà, des filles elles me fouettent. Ah ouais, toi t'aimes bien. Ah mais c'est comme Toff alors. Non, moi j'aime pas fouetter, j'aime pas du tout. Ça m'excite, je sais pas, c'est bizarre. Avec quoi Yacine? Tu veux qu'elle te fouette avec quoi? Avec des fois avec des prises. Avec des quoi les rallonges, là, toi la prise, on la coupe et. Mais ça fait super mal. Mais bah, oui. Ça fait mal, mais. Allez, montre-nous tes fesses, Yacine. Allez, on va. Mais oui. Hey, mais t'es un ouf. Avec des prises. Ouais, en même temps, un câble. Enfin, quand il dit une prise, c'est le câble électrique. Ouais, mais c'est le bout qui fait bien mal quand même. Ouais, mais ça ou un vrai fouet, je sais pas lequel est deux. tu vois. Parce que avec le fouet. J'ai saigné une fois tellement. Oh. Et puis, bah oui, mais évidemment, c'est pas fait pour. Non, il a saigné. Il a saigné. Mais toi, t'es un ouf. T'es un grand malade, mec. Moi, je me fais larguer souvent parce que les filles elles me trouvent bizarre. Sans déconner. Bah moi, étonnant, tiens, évidemment. Tu peux me fouetter avec la prise, chérie. Mais oui. T'es un ouf. T'es un ouf, toi. T'arrives et tu dis. Comment tu le dis aux meufs en général, tu sais, au tout début de la relation? Quand je leur dis, je suis mal un peu, ils osent pas trop. Bah tu m'étonnes. Après, c'est le truc qui m'excite, quoi. Donc je suis obligé de leur dire. Et, bah oui. Et t'es déjà tombé sur une meuf qui aimait aussi, parce que j'imagine que c'est ton kiff, toi. Ce serait ton rêve. Ouais, ça m'est arrivé, mais bon. Après. C'est rare, hein. Ouais, en fait. Ouais, c'est rare. Bon, heureusement. Non, mais c'est mieux pour tout le monde, hein, au final. Ouais, bah oui. Non, les cicatrices sont tombées. Bah oui, il y a message de test qui dit fantasme que les mecs avalent eux aussi morts de rire pour savoir ce qu'on subit nous les meufs. Alors attention, je tiens à dire un truc, Tess. Ce qu'on subit, si vous ne voulez pas le faire, le faites pas. Bah oui. Non mais il y a aucune obligation. Je me souviens, je suis sorti avec une meuf un jour qui l'avait fait, qui avait avalé et que tu voyais sa tête qui est. Je dis mais pourquoi t'as fait? Mais il paraît que c'est mieux. Bah, je dis je m'en bats les couilles moi. Ouais, moi je rappelle que ça rend plus intelligente après, bon. Ouais, mais enfin bon, c'est pas non, mais débat. En plus c'est pas mais... nécessaire. Il y a aucune. Il y a ouais, aucun c'est... apport pour l'homme. Non mais voilà, bon, enfin personnellement, ça ne change rien. Qu'elle avale ou pas, je m'en bats les couilles, ça ne changera rien de rien à ma vie. Et quand je dis elle était contente, je lui dis bah oui, mais ton mec, c'est quand même bien foutu de ta gueule, hein, bah faut le savoir. Mais voilà, ça ne change strictement rien. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, faites pas. Alors que s'essuyer dans les cheveux, Ouais, c'est ça, une bonne faciale. Quoi, n'importe ça, quoi. Ça, c'est un autre plaisir, quoi. N'importe quoi. Mais juste, moi, je voulais. Je sais pas si vous vous souvenez de l'auditrice, vous avez raconté leur délire avec, avec son mec. En fait, la meuf, elle prenait donc le sperme en bouche et c'est le mec qui avalait. Oh elle lui roulait une pelle. Mais ah, fait pas. Oh, on l'a déjà, elle est venue raconter ouais, ça à l'antenne. Moi, tu vois, j'ai ce genre de souvenir, teuf. Oh, ah, si, moi, il y a des trucs comme ça qu'on préfère. Oublier. Ah si, moi ça m'avait marqué quand elle avait raconté ça. Ça t'a excité, gros cochon. Bah oui, c'est clair. Gros botteur. Espèce de gros porc. Gros botteur. Bah oui. Voilà, non mais oui. Attends, il y a Margot aussi qui est avec nous de Paris. Salut Margot. Okay. Ça va Margot? Oui, je sais. Attends, qu'est-ce que tu fais Margot là? Elle se caresse. Margot? Avec son téléphone. Tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Alors c'est quoi le fantasme Margot? Moi, mon plus gros fantasme, c'est... En fait, j'en ai plusieurs. Dis-moi. Le premier, c'est quand... la première fois que j'ai eu mon fantasme, j'avais 10 ans. Attends, j'ai pas compris, parce que tu parles tellement bas et tellement près de ton téléphone que le premier fantasme que t'avais, c'était quoi? Mon premier fantasme, c'est quand j'avais 10 ans. Quand t'avais 10 ans? Oui, 10 ans. Et c'était quoi ton fantasme à 10 ans? Tu voulais manger du gâteau, c'est ça? Non. Des cornflakes, banane chocolat, vanille. Je voulais faire un truc à plusieurs avec plein de M&M's. Non, c'est vraiment pire que ça. J'ai rêvé qu'un mec m'avait mis de la crème chantilly sur la chatte, quoi. À 10 ans? Et qui commençait à me... Non mais Margot, à 10 ans? Ouais. Oh mon Dieu. Ah ouais, et l'autre, j'ai peur, hein. Du coup j'ai peur que ce soit pire. Et l'autre, c'est quoi l'autre fantasme? L'autre, je crois, ouais, j'avais 13 ans. Non, 12, 13 ans. Ah ouais, dis donc, t'as commencé toi. Et c'est quoi l'autre fantasme à 13 ans? Alors on va dire 14, 15, 16. Bon, 18. 18. Donc c'est quoi le deuxième fantasme? C'est qu'un mec me pénètre bien au fond, jusqu'au fond, s'il peut. Enfin, au plus loin qu'il peut, quoi. Et qui me donne des petites tapes sur les fesses. Oui, bon, ça va. Non, mais ça va. Mais j'ai pas fini le truc, c'est que quand il a pénétré, s'il pénètre, j'aimerais bien qu'il bouge sa bite dans mon vagin. Oui, mais ça à la limite, pourquoi? Oui, mais ça, c'est le but, à la limite. Le but, c'est de pas une fois que t'es rentré, t'attends pas que ça se passe, quoi. Tu vois, tu restes pas en mode pause. Ça va, tu la sens bien. Elle est bon, très bien. Bah, alors attends, je vais zapper un truc à la télé parce que le film m'emmerde. Et 10 minutes après, le mec, il est encore dedans. Je vais attendre. Ça va, tu la sens toujours bien. Oui, nickel. Ouais, Margot. J'ai pas dit la position après que je sois couché sur le lit, que j'ai les mains attachées, quoi. Oui, après, pourquoi pas. Non, après, le coup de la crème chantilly ne me choque pas, c'est à 12 ans que ça me choque. Non, 10 à 10. C'est à 12 ans, elle veut se faire attacher. Non, 13. 13, non. Pardon. Voilà, mais voilà, tu vois, bon, à la limite, à 10 ans, la crème chantilly, c'est pas grave, tu vois, mais c'est bon, à 10 ans, c'est un peu tôt, quoi, pour penser à ça. T'as quel âge maintenant? Moi, j'ai 16 ans maintenant. Ah oui, t'es toujours en mode tôt, quoi. Et tu as essayé déjà avec un mec ou pas? Disons que j'ai un problème avec mon mec. J'ai un mec, ça fait un mois que je suis avec. Et ouais. Il veut pas, putain, moi je demande que ça, il ne veut pas. Ça serait bien le seul mec sur Terre, quoi. C'est clair, le truc à verser, ouais. Disons que il éjacule trop vite. Ah, il est précoce. Enfin, c'est-à-dire que si tu le chauffes comme tu nous as chauffé, je comprends qu'il éjacule trop vite. C'est hein. Ça, c'est-à-dire qu'il a le marre, là, déjà, donc... Mais moi, j'ai un gros problème aussi. Le problème, c'est que moi, j'ai envie de faire ça sans cesse. Sans quoi? Sans m'arrêter. Mais attends, Margot, je vais juste défendre un peu ton mec, le pauvre. T'es sa première meuf? Non. Non, mais je veux dire, avec qui vous couchez? Enfin, avec qui il a couché? Oui. Ouais, voilà, donc t'es pas sa première meuf, mais c'est la première fois qu'il a une relation sexuelle. Mets-toi à sa place. Mets des capotes. Tu tombes. Non, mais bien sûr. Mais. Il tombe sur une meuf, donc déjà c'est la première fois, tu vois, donc c'est un peu délicat parce qu'il sait pas très bien comment ça marche. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle lui dit? J'ai envie que t'ailles au fond et que tu bouges et tout. Bah le mec, il a même pas le temps de descendre son pantalon qu'il a déjà fini. Je sais pas, mais parce que moi aussi c'est la première fois en fait. Non mais d'accord, mais toi t'as pas de problème d'éjaculation précoce? Non, mais elle a pas de problème du tout, elle. Non, mais toi, t'as pas de problème. Il faut y aller petit à petit avec le mec. Faut d'abord qu'il se mette à l'aise. Nous ne sommes que des hommes. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. On veut bourrer, c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est vrai, bourrage. C'est ça, ouais. Sont les maîtres. Franchement, je le dis personnellement. J'ai déjà chauffé à la canne. Enfin, le truc, c'est que quand je chauffe à la canne, Quand tu le chauffes à la cam. Ah d'accord, genre à la canne, je dis qu'il s'est le fait avec une canne. D'accord, le bat. À la cam, ouais. Elle défonce la gueule avec une canne. C'est clair. Non, quand je le chope à la cave, il va ultra vite. Je remarque qu'il va très vite avec sa main et je comprends pas. Après, je l'ai déjà fait avec lui une fois. Et même pas deux minutes, il a déjà éjaculé. Enfin, le temps que je me mette sur lui, quoi, il a déjà éjaculé, quoi. C'est... Mais oui, mais c'est normal, t'es en train de le chauffer, le mec, comme si c'était... Oui. Il faut y aller pépère. Faut le prendre à froid. Mais non, mais vas-y tranquille au début, là. C'est pas la peine de l'exciter. Et c'est comme si t'arrives en disant, oui, moi j'ai envie d'une sodomie. Bah non, le mec, il a jamais rien fait de sa vie. Laisse-le découvrir. C'est par où? Tu vois? Comment? Il faut y aller tranquillement. Ne le brusque pas, sinon il va jamais y arriver, le pauvre. En plus, il... Le mec, il a 17 ans. Le mec, il a 17 ans. Et alors? Il pourrait avoir 25 ans, que c'est la même chose. Ouais. Oui. Non, parce qu'en plus, pour peu qu'il soit un peu bonne, tu t'habilles sexy, c'est-à-dire que le mec, il doit devoir arriver, déjà, il a éjaculé, quoi. Et la première fois que Toff, il s'est fait battre dans ses fantasmes sexuels, bah, il a joui tout de suite. Ce gros porc. Mais oui. La première fois qu'il m'a mis la bougie dans le cul, ça m'a fait jouer direct. Oh là là. Putain. Bon. Mais c'est le moment où elle l'a allumé, que ça commence à me brûler les poils. Enfin bon. Bon, tais-toi. Bon, Margot. Oui, Margot. Nickel. Si je le fais avec toi. Ouais. Tu vas pas éjaculer tout de suite. Mais non, mais après, c'est différent. Non, c'est une machine, cet homme, et il peut tenir des yeux. C'est nickel, d'abord, c'est un demi-dieu. Ouais, tu parles. Un centaure. Non, mais après, ça arrive d'être rapide, ça arrive d'être plus long. Ça dépend. Mais la première fois, bah, je peux te dire que j'étais pas fier. Hein. Mais c'est nul. Mais on est des êtres humains. Bah, prends un god alors. Si je te dis, moi, lui, il éjaculera jamais, lui. Hein. Tu le branches sur du 220 et puis le truc, il va tourner toute la nuit, quoi. Ouais, tu mets sur du 380 volts et puis t'es tranquille. Hein. Hop là, le truc, il y va. Non, mais voilà, sur la première fois, j'étais pas fier non plus. Mais encore, moi, j'ai eu une relation normale la première fois. Si j'ai tombé sur une meuf qui était en mode sexy, qui arrive et ouais, je veux que tu tapes au fond et tout le bordel, bah oui, le mec il va se croire dans un film de boule, évidemment que ça va arriver rapide. Bah oui, c'est bien quand t'as beaucoup d'expérience. Bah oui, non mais c'est ça. Voilà, dans quelques années, quand t'auras essayé à peu près 200 mecs, tu pourras te dire ok, là. Ouais, mais le problème c'est que moi, d'un côté, c'est un mec, je sais même pas s'il est fidèle à moi en fait. Non mais écoute, Margot, je veux dire, t'as 16 balais, tu vas pas faire ta vie avec lui, que ce soit clair, hein, vous sortez ensemble, c'est très bien. Ni avec lui, ni avec le prochain. Mais il y a quand même, cela dit, c'est possible que tu le fasses, mais il y a quand même très peu de chances. De quoi ? Mais moi j'ai envie de le faire tout le temps. T'as envie de le faire quoi ? Mais oui, mais c'est normal, tu découvres. En fait, ça m'arrive de me toucher. Mais caresse-toi tout le temps, caresse-toi. Bon, Margot. Bon, reste avec nous. On va mettre Avicii avec Addicted to You. Reste là. Il y a Heidi dans un instant. Il y a Anto. Alors, comme par hasard, maintenant tout le monde débarque. Il y a Adeline aussi qui vient d'arriver. Là. C'est toujours quand on arrive à la fin de l'émission qu'ils sont tous là. C'est-à-dire que là, il y a à 1h30, on a l'impression que tout le monde dormait. Alors ils sont tous là. Bon, on va revenir avec toi. Tu restes avec nous, Margot ? Oui. Bon, très bien. Et puis, quelqu'un qui disait demi-dieu, rien que ça. Non, mais c'est parce qu'on on limite un peu les paroles. Oui, hein. C'est parce que je voulais dire double dieu au départ et je me suis dit non, ça va faire trop. Bah, voilà, c'est ça. C'est au-delà de dieu. Hein. C'est moi qui lui ai compris d'ailleurs, effectivement. Oui, Margot, qu'est-ce que t'allais dire ? Non, mais je trouvais un truc choquant à la radio que j'entendais tout à l'heure. C'est le mec qui aimait le caca sur la gueule. Enfin, non, mais ça, c'est dégueulasse. Oublie ça, ça n'est jamais arrivé. Ouais. Voilà, oublie ça, ça n'est jamais arrivé. Il ne faut pas faire, c'est mal. Non, mais c'est parce que moi, ça m'a fait penser que moi, j'ai une pote, vraiment plus que moi, et elle fait ça avec son chien. Et oh non, mais t'es sérieuse, Margot, tu te fous de moi. Non, ou alors elle s'est foutue de ta gueule, parce qu'il y a un moment, la zoophilie, c'est quand même mal, c'est dégueulasse, c'est vraiment crado, quoi. Non, je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais je te le dis, c'est dégueulasse, c'est crado, ça doit pas exister, ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Non, mais c'est un truc de ouf, les mecs. Ce que tu as dit. Non, mais les gens qui font ça, ils ont pas toute leur tête, il y a un moment, il manque une case. Ouais, moi, je peux te parler d'une meuf qui faisait ça avec son chat. Non, je veux pas le savoir. D'accord. Bon, allez hop, on est Avicii, Addicted to You, ce sera très bien comme ça. Oh là là, quelle horreur. Le son d'Avicii, Addicted to You, sur Fun Radio. Il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Donc restez bien là, ce sera le débat avec notre ami Jean-Pierre Sauzère. Il y a un message qui dit, c'est quoi ce fantasme de fou, se faire fouetter avec une prise, il est complètement barré. Cécile qui dit, il y a 10 ans, je jouais encore au Barbie, je savais même pas comment on faisait les bébés. La meuf à 10 ans, elle rêvait qu'on l'attache. Non, à 10 ans, c'était la crème chantilly. Alexandra qui dit, ma première fois était horrible. Il y a N'est-ce pas, je sais pas comment on veut qu'on dise. Margot, elle a 16 ans, elle a cru qu'elle avait déjà tout compris à des relations. Va bosser tes cours plutôt. Bah non, mais c'est après, vrai. Elle peut. Le prince Nadia qui dit Margot, tu brusques trop la gente masculine. Mais je suis d'accord, putain, Margot. Mais là, ouais, elle doit lui faire peur. Nous ne sommes que des hommes. Bah ouais, mais et encore, ton mec, c'est un petit. Mais oui, c'est un jeune, c'est un jeune mâle. Mais oui, mais qui c'est ça. Qui découvre sa sexualité. Exactement, tu sais, c'est un petit peu comme un cheval, il arrive pas encore à marcher sur ses quatre pattes, quoi. Et toi, tu veux déjà qu'il fasse les tours. Ouais, qu'il fasse le saut d'obstacle. Le tiercé saut d'obstacle. Voilà, oui, c'est ça. Il a encore les petits trous sur le côté, sur son vélo. Écoute, non, mais regarde, écoute, quand tu roules, quand t'apprends à rouler à vélo. Bah oui. Bon, tu fais pas la maligne directement, tu commences pas à sauter, à rouler sur une roue, etc. Bah non, t'essaies de rouler droit. Je veux pas vous être trop sur un combat. Moi, j'ai commencé à parler à 3 ans et j'ai commencé à marcher quand j'avais 9 mois plus loin. Non mais c'est rapport. Bien, ben, c'est qu'en avance, non mais tant mieux. Mais... Non mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, peut-être que t'as réussi à faire tout ça toute seule et c'est très bien, mais aujourd'hui. Le problème, c'est que soit il faut être deux. Bah, déjà, il faut être deux. Soit tu tombes sur un mec qui a réussi à avoir de l'avance comme toi. Soit il va falloir que tu t'adaptes à lui. Parce que c'est pas lui le problème dans l'absolu, c'est toi. Enfin, c'est pas un problème, mais je veux dire, il faut que tu sois patiente. Je sais pas, mais moi je suis une autre du sexe. Mais je comprends. Tu vas regarder, attends, on va trancher là, tu vas continuer à regarder les Pokémon, et puis Dora l'exploratrice, tu vas faire tes devoirs et t'arrêtes de nous saouler maintenant. Et bon. On va te surveiller. Margot, attends 2 secondes, il y a Adeline aussi qui est avec nous. Salut Adeline. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, ça va. En pleine forme Adeline? En pleine forme. Comment? En pleine forme. Bah tant mieux. Adeline, c'est quoi tes fantasmes? Moi, mon fantôme, c'est de faire ça en public. En public, dans les endroits publics. Mais genre quoi? Genre quel endroit? Une fois, j'ai déjà fait au boulot. Ah, sympa. C'est quoi le boulot? Je travaille dans l'automobile. C'est-à-dire chez un concessionnaire? Dans un garage? Pour pas décrire ça à peu près. D'accord. Mais être un concessionnaire, tu vois, genre celui qui vend les nouvelles voitures ou celui qui les répare? Non, celui qui... je monte plutôt les pare-chocs arrière. Ah, t'es dans l'usine voilà. Ah ouais, et t'aimes bien te faire démonter le pare-choc. Voilà. Il en pose un, puis elle se fait démonter le sien. Et maintenant, c'est mon futur mari, c'est mon mari même. Et on a fait ça dans les toilettes. On a essayé et on s'est fait surprendre par un collègue. Ah, et bon, il était content le collègue, à mon avis, non? Ah oui, lui il était content, il avait le sourire, et nous, on s'est senti mal. Bah oui, non, mais après, c'est ça aussi. Mais c'est ça qui est bien aussi dans le fantasme, c'est qu'après, quand tu fais des trucs, le risquer de se faire griller, il faut accepter de pouvoir se faire griller aussi. Ouais. Parce que c'est pas tout d'avoir peur de se faire griller, ça peut arriver. C'est le jeu, justement. Exactement. Attends, il y a aussi Anto qui est avec nous de Nantes, là. Salut Anto. Salut les gars. Comment ça va? Bien. Bon, alors c'est quoi ton fantasme, Anto? Ça va? Ah bah, tu fais quoi dans la vie? Je suis danseur et comédien. Danseur et comédien. Et clown un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton fantasme, Anto? Moi, c'est pas mon fantasme, c'est qu'en fait, je suis gay, bref. Et en fait, j'étais sur un site que tous les PD ont. Ouais. Et en fait, il y a un gars un jour qui est venu me parler. Attends, mais tu peux faire un rewind, t'as dit quoi? Que tous les PD ont. C'est quoi ça, que un PD? Oui. Mais que tous les PD ont. Ah, d'accord. Les gays, les gays. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Non, mais d'accord. Non, mais je croyais que le PD-on, c'était comme un truc, un lampadaire ou un truc comme ça. C'est ça. Mais je pensais que c'est marrant, Anto, et je suis content que toi, comme toi, t'es gay, tu dis PD parce que j'ai l'impression que c'est plutôt l'insulte suprême quand t'es gay de dire PD ou sale PD. C'est un chat, au bout d'un moment, quand on voit ce que ça devient, oui, ça peut être que PD. D'accord, bon bah après tu t'es gay, hein, toi tu t'arrangerais avec la communauté gay, hein, moi j'ai pas de problème avec ça, bon. Si vous êtes gay, vous avez un problème, vous l'appelez. Hein. Voilà, c'est ça. Et ce sera le débat de demain, hein, pour le contre le reste des gays. Voilà, demain. Voilà, c'est ça, ouais. Bon bref, alors Anto... Attends, contre le reste, je n'en fais pas partie. C'est vrai. Bon bref, Anto, alors. Donc ce gars vient me parler sur ce fameux site en me proposant en fait avant de faire un plan cul de me promener en laisse en plein milieu de la rue en fait. Ah on est bon là. Ah on est pas mal. Ça c'est bon. Ah, on est pas mal du tout là. Non, ils sont très très forts. Mais c'était un peu dégueulasse. Et en gros, en photo, il m'envoyait une photo de la laisse, un espèce de collier avec des petits strass et tout mignon. Oh, t'aurais été mignon avec ça. Ah ouais, au centre commercial. Oui. Attends, tu ferais ça ou pas? De quoi? Te faire promener par une laisse. Non, je crois pas, non. Là, dans le couloir. Si on fait ça dans le couloir, là. Seulement si c'est Polo qui me promène. Dans le couloir, ouais, avec voilà, plaisir. Moi, je veux une photo de teuf avec une laisse. Oui, et d'accord. Je me frotterai à sa cuisse. Oh, quelle horreur. Mais vous êtes sérieux avec ça. Je suis enragé. Oh, l'angoisse. Bien faire ça. C'est clair, l'angoisse. Bon, attends, il y a aussi Heidi qui est avec nous. Salut Heidi. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Et comment va la montagne et le grand-père et tout ça là? C'est drôle ça. Bon, t'es à Perpignan. L'alpage. C'est ça? Ouais, c'est ça, Perpignan. Bon, très bien Heidi, c'est quoi ton fantasme toi? Alors, mon deuxième fantasme que j'ai envie de réaliser, moi, ce serait de tomber sur une femme fontaine. Ah, toi, c'est la femme fontaine, alors, d'accord, ok. Mais c'est quoi le délire avec la femme fontaine? Moi, c'est un truc beurre, quoi. Bah, je sais pas, en fait, c'est un truc que j'aimerais bien essayer, quoi. C'est bien, mais je sais pas. Moi, c'est je sais pas, chaque fois que j'entends parler de ça, ça me donne envie de, d'en trouver une, quoi. Grave, moi aussi, j'ai envie de voir une fois. Ne fût-ce qu'une fois comment ça fait. C'est ça. Bah c'est ça, fait quoi, ça fait quoi, ça fait quoi, ça fait. On va te jeter un verre d'eau à la gueule. Non, non, toi, c'est chaud de voir ça le jet qui sort et tout. Non, moi je veux le voir. Bah va chercher un tuyau de rosage. Mais ça a rien à voir. Qu'on ramène le Karcher. Ça a rien à voir. T'imagines, c'est une meuf avec tes doigts, t'arrives à faire sortir du truc. Bah oui, bah avec le Karcher, avec mes doigts, j'arrive à faire sortir tout le bordel. Non, t'as rien à voir. Exactement. Je vais te mettre un coup de Karcher dans la tronche, tu vas voir, ça va être pareil. Écoute, si tu préfères fantasmer sur un Karcher, c'est ton problème. Mais c'est pas sur un Karcher. Oh, moi je préfère une vraie meuf quoi. Oh l'angoisse. Ah moi je pourrais pas. Enfin moi je j'aimerais pas. Une femme fontaine d'or. Si c'est c'est mon deuxième fantasme quoi, parce que mon premier je l'ai déjà réalisé, donc voilà. Voilà, c'est mon deuxième fantasme. Bah mon premier fantasme c'était de tomber sur une femme cougar et j'ai eu le coup. Gare. Non mais c'est vrai, c'était la mère d'une amie. Ah sympa. Ouais mais c'est bon, enfin c'est pas si grave quoi. C'est pas si grave, c'est clair. C'est pas si grave. Et donc mais alors la femme fontaine, il y a JB aussi qui nous a dit que c'était la femme fontaine, il aimait bien, c'était son délire les femmes fontaines. Il s'est approché de mon sexe. Il a fait semblant de brancher son gaz. Ouais, c'est ça. Mais oui. Hein, la femme fontaine JB. Ouais, j'adore. Ah mais voilà, tu vois ça, il adore. C'est hein. Polo. Comme ça en même temps, on prend sa douche en même temps. Et ben en même temps, c'est une pierre de coups et hop là, ça y est, c'est plié et effectivement. Tu vas chouiner toute la journée. Tout à fait. Bah merci Anto et Heidi, merci de passer en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Vas-y, ouais. Je peux avoir mon bienvenu, ça fait un petit moment que je vous écoute tous les soirs, toute la nuit, donc... Eh ben écoute, avec plaisir. Attends, c'est qui a demandé ça, c'est Heidi? C'est ça, c'est Heidi, oui. C'est Heidi qu'on dit, autant pour moi. Attends, on va mettre celui-là, c'est pas mal ça. Et moi je vais baiser ta mère, non? Voilà. Hop, merci. C'est gratuit, c'est comme ça. Voilà, Heidi, y a pas de problème. Et il remercie, ça c'est cool. C'est cool. Bon, Anto, bah merci à toi aussi d'être passé, hein. De rien, bonne soirée, merci beaucoup. Je vous écoute tous les soirs en rentrant du taf. C'est cool, merci beaucoup. Et est-ce que tu veux aussi ton petit message, toi? Ouais, je viens, ouais. Bon, alors attends, qu'est-ce que je... Je veux bien une GoPro au passage aussi. Ouais. Allons faire un culé, gros pédé. Ouais. Oh, ça va, Anto, on peut. Ah, t'as dit on peut. T'as dit qu'on pouvait traiter de PD. Pas de problème. Pas de soucis. Bon, allez, Anto, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux, à bientôt. Hein. Salut à toi, ciao. Non, mais ça, c'est cool avec des mecs qui sont ouverts. Tu vois, il faut pas tout prendre mal, qu'ils vont pas faire du cinéma. Être ouvert, il est ouvert. Ah, bah, il est open, oui, c'est clair. Bon, ben Adeline, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux. Autrement, ce serait possible d'avoir un pack fun. Oui, je te repasse Sandro, on va gérer ça. Okay, bah merci pour tout et je vous écoute tous les soirs, je vous adore. Oh, merci beaucoup. Tu veux aussi un petit message? Ah ouais, parce que depuis le temps, je le demande. Non, bah tiens. On va t'en faire une culée, je te dis, connard. Voilà, Adine, je t'embrasse. Merci. À bientôt, ciao. Bon, Margot. Oui, bon. J'ai un petit souci. Qu'est-ce qui t'arrive encore toi? Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis en train de mettre un coup. Je mouille, ça coule. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va pas? Je te pénètre ta gueule, j'ai un ami. J'ai un ami de 6-9 ans qui vient de m'orienter sans lui. Mais c'est flou. T'es flou? Non, j'ai un ami de 19 ans. Ouais. Il vient de m'envoyer un texto en disant tu veux faire un plan cul avec moi. Enfin, tu veux un plan cul? Bah oui, mais non, mais parce que si t'es avec un mec, t'as qu'à dire non. Bah, d'un côté, disons que... C'est... Mais après, Margot, dans l'absolu, moi, je suis pas ton père. Heureusement pour toi. Heureusement, parce qu'il serait déjà monté putain, pour t'en coller une. Je t'aurais démonté ta tête. Déjà, je pense à ma nièce. Mais alors, si jamais ça arrive avec ma fille... J'enquête. Elle est en couple. Non, bah alors, pas en couple du tout. N'importe quoi. Je vais désactiver son compte, tu vas voir. Mais là, quel âge? Voilà. Elle a déjà. Elle est trop jeune. Elle est trop jeune pour faire ces conneries-là. Elle a 25 ans. Non. Franchement. Margot, dans l'absolu, Margot, dans l'absolu, tu fais ce que tu veux de ton cul, mais le principal, c'est que tu mettes une capote, quoi qu'il arrive, tout le temps, d'accord ? Non, mais ça, je m'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles de quoi ? Mais je m'en bats les couilles, moi, des capotes. J'en ai rien à foutre des capotes. De toute façon, je prends un pull depuis longtemps. Et Margot, t'es sérieuse quand tu dis des conneries comme ça ou pas ? Bah oui. T'es consciente, Margot, que t'es complètement con, là ? Bah non, parce que mon pote, c'est un de mes ex. Et moi, c'est vrai que d'un côté, j'oublie jamais mes ex. Margot, hormis le fait qu'on comprenne pas, mais le seul truc qu'on a compris, c'est que tu t'en fous de la capote. Donc tu sais à quoi ça sert une capote ? Oui, à se protéger pour ne pas tomber enceinte. Non, et pas du tout, justement. Non, pas du tout. En fait, le problème, c'est que tu n'as pas compris le concept de la capote à la base. C'est que ça ne te protège pas. Voilà, et la pilule, ça te protège de De pas tomber enceinte. De putain, et alors le sida, on fait comment avec ça ? Le sida et tout le reste, hein. Ouais, parce qu'après il y a la syphilis, les hépatites, etc. Mais une capote, putain, Margot. Écoute, t'avais l'air sympa, mais là t'as l'air con, Margot. Là, écoute, merde. Tu m'avais l'air cool et puis finalement t'as l'air stupide. Non, merci. Bah oui, mais écoute, non, je peux pas aujourd'hui. Ouais. En 2014, on ne peut pas avoir un discours comme tu viens de l'avoir, Margot. Tu peux pas avoir un discours dire ouais, mais je m'en fous, j'en ai rien à foutre de la capote. De toute façon, je prends déjà la pilule. Mais merde, Margot, dire. Écoute, sérieusement. C'est pas la même utilité. Hein. Sérieusement, Margot. Bah je sais pas, mais moi j'ai envie. Mais les gens s'en branlent, c'est clair, évidemment. Soyons francs. C'est évident, c'est mieux sans capote, il y a plus de sensations, c'est clair et net. Mais putain, entre une sensation et clamser ou en tout cas être malade, genre, il y a un moment, il y a quand même pas une hésitation à avoir. Ça tombe sous le sens, c'est de la logique, c'est... Ouais, mais bon... Ouais, bah non, bah il n'y a pas de et bon, de toute façon c'est comme ça et t'as pas le choix, Margot. Mais une putain de capote, point barre. Il n'y a même pas à négocier. Mais ouais. D'accord. Je mettrai une capote, mais est-ce que... Mais tout le temps, c'est pas juste... Non mais tout le temps, Margot, t'as compris ? Surtout si tu te fais bourrer, on continue. Et c'est pas à toi de la mettre, c'est au mec de la mettre. Hein. Ouais, mais c'est à toi de l'avoir dans ta poche aussi. Oui, mais est-ce que je dois le faire avec mon ex ou pas ? Mais fais-le oui, mais tu fais avec qui tu veux tant que tu sortes couverte. Tu sors couverte. Oh putain, t'as de la chance que je suis pas ton daron. Oui. Oh là là, putain, j'écoute. Hey, moi j'écoute la radio puis j'entends la fille démonte. Là. Oh là, moi je la démonte. Non, tu la démontes pas, mais. Non, mais à coup, je veux dire, je l'éclate. Ah ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oh putain, oh là là. C'est là que je me rends compte que je suis peut-être pas prêt psychologiquement pour. Ah ouais, non, moi je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Bon, voilà, Margot, par pitié, sors couverte. Je sais que tu vas me dire oui, de toute façon, c'est un vieux con, il raconte n'importe quoi. Mais sors couverte. Ça veut dire oui. De quoi ? Ça veut dire oui. Bon, bah j'espère, Margot, je compte sur toi. Hein. Margot ? Mmh. T'en la joues ? Comment ? Voilà. C'est clair ? J'ai pas compris. Ouais, bah t'inquiète pas, tu vas comprendre. Bon, Margot, on va quand même te filer un pack fun, et au moins il y a des capotes dedans, tu pourras pas nous dire ah bah oui, mais j'avais pas trouvé, il avait pas. D'accord ? Bah oui, ça coûte cher. Bon, on va t'envoyer ça. Michael, je peux faire une dédicace ou pas ? Non. Tu mettras d'abord des capotes et après tu pourras faire une dédicace. Salut, Margot ! Sérieux ? Salut, ouais, je sais, je suis un gros enculé. Ouais, je sais. Bah, c'est comme ça. T'as raison, moi, eh ben, y a pas de mal, y a pas de mal. Y a pas de mal. Bon, Polo contre le reste du monde. Ouais. C'est dans quelques minutes. On va d'abord se faire le son de Chucky. Ouais. La Skydive. Et juste après, Jean-Pierre Sauzère, qui sera là en live, qui est numéro 1 du top tweet. Marre de JPS ce soir. Donc, on est au top. Et puis, on revient juste après avec notre ami, justement, Polo. Contre le reste du monde. Si vous voulez participer, si vous donnez votre avis sur Jean-Pierre Sauzère, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. Chucky maintenant, Skydive, il est 2h02 sur Fun, on est en direct. Le son de Chucky sur Fun Radio, Skydive. Il est 2h05, on est toujours en direct, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio, comme tous les soirs jusqu'à 2h. Bon là on fait des heures sup, hein, mais c'est pas très grave non plus. Hein. On est là avec tous vos messages qui arrivent en direct avec le hashtag et Mickaël sur le Facebook de l'émission également. Et puis bah vous le savez, on a eu Jean-Pierre hier soir. Jean-Pierre ? Ouais. Ah, Jean-Pierre est là. Ah, le sifflement, tout est là, c'est magnifique. Bon, Jean-Pierre, t'as passé une bonne journée ? Ouais. Bon, et je rappelle qu'on sera d'ailleurs en direct en direct effectivement, on sera en Picardie, on vient chez toi, Jean-Pierre. Quand ? Le 9 février, on fait l'émission en direct de chez un auditeur, chez Olivier, un prof de maths. Et le 7 février, on sera également, donc c'est à Noyon. Et le 7 février, on sera à Compiègne. Pour faire une soirée au El Patio avec Jean-Pierre Sauzère qui sera là pour chanter en live, etc. Et apparemment, j'ai eu ouï dire que toutes les réservations, la boîte était déjà complète en termes de réservations de table, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plein de gens qui viennent pour toi, Jean-Pierre. Ok, ouais, c'est bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Mais donc il reste encore de la place, hein, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème, hein, vous n'êtes pas obligé de réserver bien sûr. Mais en tout cas ça risque d'être bien blindé. Et ça fait plaisir pour une première sortie. Bon, Jean-Pierre. Oui. Bon, il y a eu un gros bordel aujourd'hui sur internet. T'as vu, t'as été en top tweet même devant Top Chef, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, bravo à toi. Donc il y a des gens, et on le sait, on en a parlé hier soir, il y en a qui aiment pas Jean-Pierre Sauzère, il y en a qui aiment bien. Il faut tout pour faire un monde. Oui, mais voilà. Je veux dire, Arnold et Willy, comme disait. Exactement. Et il y en a qui a quoi ? Il y a un faux Jean-Pierre Sauzère qui est passé chez Max. T'as envoyé la bande, tu peux le passer, non ? Il y a un faux Jean-Pierre Sauzère qui est passé chez Max ? Ouais. Mais t'as envoyé ça chez qui ? Bah, on a envoyé ça chez vous, là. Non, mais à qui t'as envoyé ça ? Bah, chez vous, là. À Fun Radio, là. Oui, non, mais d'accord, mais qui c'est qui a reçu ça ? Parce que moi, je l'ai pas, la bande. À quel mail ? Il l'a envoyé ? Oui, mais à qui, tu sais pas ? Bah, au standard, là. Ils m'ont rien donné. Voilà. Bah, c'est stagiaire encore. Ouais. Quel connard alors. Ah, mais il arrête l'information et il jette tout ça à la poubelle. Putain, quel con alors. Écoute, j'enquête, je vais essayer de le retrouver maintenant. Ouais. En attendant, je vais te laisser dans les mains expertes de Polo contre le reste du monde. Puisqu'il y a eu ce débat, il va falloir qu'on termine ce débat une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est parti, Polo contre le reste du monde. Et quand vous entendez cette musique, c'est que j'arrive avec mon cheval blanc. Exactement. Afin de défendre la veuve et l'opprimé, Jean-Pierre Sauzère. Es-tu là ? Oui. Bon. Il y a des gens qui sont contre toi, Jean-Pierre. Il y a des gens qui te haïssent. Qu'est-ce que c'est cette musique de merde derrière ? C'est la musique du combat. Calme-toi, Jean-Pierre Sauzère. On m'a couché, ou j'ai arrêté la rigolade. Non, c'est pas de la rigolade. Moi, Cédric. Jean-Pierre, non, reste là, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on te défend. Cédric. Il est parti. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là ? Jean-Pierre. Cédric. Il a raccroché. Il a raccroché, est-ce qu'on peut le rappeler ? Cédric. Salut la famille. Vas-y, Cédric. Ouais. Vas-y, on t'écoute, t'es contre Jean-Pierre Sauzère, c'est toi qui as mené la fronde, la révolution anti-Jean-Pierre Sauzère. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Exactement, parce que tout simplement, voilà, il y en a marre qui se plaint, on veut encore la preuve là, on rigole, on passe une musique, c'est vrai que voilà, quand la musique elle est pas top, il raccroche au site et s'énerve pour un mieux ou pour un non. Après, ces musiques, elles plaisent pas, c'est un fait, ça je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais faut qu'il arrête de s'en prendre aux stagiaires. Attends, deux secondes, Cédric, deux secondes, parce qu'on essaie désespérément de rappeler Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre, tu es une star, tu dois défendre ton honneur. Je suis là pour t'aider, donc essaye de décrocher Jean-Pierre. Fred ? Oui. Ouais, tu es contre ou pour Jean-Pierre Sauzère ? Non, contre. Pourquoi tu es contre ? On va dire que je suis de l'avis de Cédric, quoi. C'est qu'au début c'était bien. Ouais. Et comme il y en a un qui dit sur Twitter, donc qu'au début c'était bien, comme qu'on captait pas qu'on fait. Attends, Fred, deux secondes. Fred, Jean-Pierre Sauzère ! Ouais. Attends deux secondes, Mickaël. Juste, je tiens à dire à Jean-Pierre Sauzère que s'il raccroche encore une fois, il est banni de l'antenne pendant une semaine. Non mais moi j'en ai rien à branler moi. Jean-Pierre, ne te branle pas ici, pas pendant le Polo contre le reste du monde. Bon Jean-Pierre. Non mais bon, ça m'intéresse pas de parler, faire les guignols comme ça. Non, Pierre, on fait pas les guignols, on défend ton honneur. Fred, je t'écoute. Oui, donc comme je disais, au début c'était bien, certes, mais bon, au bout d'un moment, faut changer un peu, quoi. Ça passe, ça casse, mais là, ça casse, on veut autre chose, quoi. Donc maintenant, ça va être un peu Non, mais écoute, je t'arrête, j'ai rien à branler de tes commentaires sur moi. Si t'as quelque chose à me dire, mon gars, bon, bah tu vas mettre sur ton radio, j'ai rien à branler. D'accord, Jean-Pierre, deux secondes, te branle pas trop, Jean-Pierre. Nathalie ? Oui ? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur Jean-Pierre Sauzère ? Vas-y. Bah moi, je l'adore, il est génial. Bah voilà. C'est une musique à tout top. Oh bah merci Nathalie, c'est tout ce que t'as à dire ? Oui. Bon allez, dégage d'ici un peu, tu vas pas nous saouler pendant 2 heures. Orgagagazmig ? Orgagagazmig ? Oui. Bon, dis-moi. Moi en fait, j'en ai marre de lui, je trouve qu'il prend trop la grosse tête. D'accord. Jean-Pierre, puis, tu peux réagir à tout moment, c'est ton débat. Bah moi je n'ai rien à branler, parce que si j'en ai marre, de toute façon c'est des radios la con, faut passer là-dessus. Putain, te branle pas trop Jean-Pierre. Bon, Orgagagazmig, 2 secondes. Sébastien ? Organisé exprès, vu que c'est la fin et que ça va passer avec vous, je m'en fous moi. Sébastien. C'est pas dans le concert, je vais pas le faire parce que j'en ai marre. Si, Jean-Pierre, tu vas le faire, t'inquiète, on est en train de te défendre, non, là, Sébastien. Je m'en fous, les gens qui m'ont pas, même pas à parler à la radio, c'est trop branlé moi. 2 secondes, Sébastien, l'indécis. Ouais, allô. Ouais, je t'écoute. Ouais, moi je sais pas. Quoi, tu sais pas quoi? Bah, qui c'est Jean-Pierre Sauzère? Jean-Pierre Sauzère est un grand chanteur de variété française. Ah ouais, alors j'adore. T'adores? Ouais, t'es j'adore. T'es sûr? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, comme je le connais pas, moi, je sais pas. Bah, et pourquoi t'appelles alors? Bah, parce que je sais pas. Bon, bah, t'es parce vraiment... Parce qu'en fait, moi, je sais pas s'il faut aimer ou pas. Jean-Pierre bon, deux Sauzère. Secondes, moi non plus, je sais pas si tu vas rester ou pas. La vieille! Allô? Allô, la vieille? Jean-Pierre oui. Sauzère est là. Jean-Pierre, tu peux réagir à tout moment, n'hésite pas. Non, monsieur, les autres conneries, salut. Allô, Jean-Pierre? Est-ce que je peux voir Jean-Pierre Sauzère au téléphone? Mais vous l'avez, Jean-Pierre, la vieille veut te parler. Allô? Jean-Pierre! Allô, Jean-Pierre! Je voulais te dire que je t'aime depuis le début. Je t'écoute depuis 94, à l'époque où tu passais chez Mac, le Star System sur Fun Radio. Il a raccroché, mais il va rappeler, on le rappelle. On le rappelle, allez-y la vieille. Oui, donc voilà, moi je l'aimais beaucoup et je serai là au El Patio. D'accord, bon merci la vieille, c'est tout? Oui, je vous aime beaucoup, Polo, vous êtes quelqu'un de très talentueux. Je vous remercie. Et je suis content que vous soyez sur Fun Radio. Ah, mais c'est ça, je l'avais prédit, j'ai dit je reviendrai un jour, au détour d'un chemin. J'ai pas le temps, je dois aller prendre mon thé, allez, bonne nuit. Au revoir la vieille, au revoir. Bon, on essaie désespérément de rappeler Jean-Pierre, mais il fait blocus, il est en train de se branler apparemment. Cédric ! Oui ? Vas-y, je t'écoute. Non mais là franchement c'est du grand n'importe quoi, il est vraiment grave ce mec. Bah écoute, on peut rien lui dire sans qu'il raccroche, sans qu'il pète un câble. On en a encore eu la preuve la semaine dernière quand il a pété un câble après Sandro et Lester. Ouais, ouais. Il l'avait mis en attente, mais quand nous les auditeurs, les vrais, on appelle aussi, nous aussi on est en attente. D'accord. Et c'est pas pour ça qu'on pète un câble. Ouais mais lui il a le VIP. Ouais, non, mais il n'a rien du tout, parce que voilà, ça va. Cédric, calme-toi, on essaie de rappeler désespérément. Jean-Pierre, si vous le connaissez, n'hésitez pas à lui tuer un peu l'oreille, parce qu'il... Enfin, je sais pas ce qu'il fait. L'indécis ? Oui ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Bah, je sais pas, parce que en fait, moi, je pensais que Jean-Pierre, c'était un mec bien. Bah, si. Mais là, il est plus là, donc en fait, je me dis, c'est de la merde, Jean-Pierre. Bon, et c'est tout ? Bah, je sais pas. Bon, bah, fous le camp d'ici. Sébastien ! Oui ? Bon, on t'écoute. Ouais bah moi je trouve que Jean-Pierre c'est bien, faut qu'il reste. Faut qu'il reste? Bah ouais. Ok merci, dégage. Bah orgasmique. Oui. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je me permets d'intervenir parce qu'il raccroche. Ouais, j'en vois tout le monde. Il est comme ça, il s'en fout lui, il en a rien à foutre. Bah ouais. Donc voilà, c'est prévu. Et n'intervient pas dans mes. On ne prend pas derrière. On n'intervient pas comme ça. Oui, pardon, excuse-moi, je me suis permise. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, je vous vois. Orgasmique, vas-y. Bah moi je trouve, je rejoins l'avis de Cédric en fait. Ouais. Et je sais pas si Jean-Pierre se rend compte que c'est bonjour, laissez votre message. On essaie de le rappeler. Vas-y Orgaga. Moi je trouve que ça ressemble à des comptines pour enfants. Et encore les comptines pour enfants c'est mieux quoi. Bon, merci pour ce petit message. Fred. Bah ouais, non, pareil, je suis pareil pour David Cédric quoi. Enfin, faut un peu changer de registre quoi. J'ai envie de dire on t'a lu par rapport à la chanson française quoi. D'accord, merci beaucoup. Et Cédric pour terminer. Ouais, que je pense qu'il est en train de gâcher toute la chanson française et puis voilà. T'abuses un peu, Cédric. Bon, bah merci, Cédric, toi qui as mené la fronde, qui a voulu lutter contre Jean-Pierre Sauzère qui ne s'est pas défendu ce soir. Michael, attends, calme-toi, il n'y a pas de Michael pour le moment, on est dans Polo contre le reste du monde, arrête de me saouler, d'accord? Je voulais juste signaler quand même que tous les tuteurs, je pense qu'ils sont d'accord avec moi parce qu'on a quand même mis en TT marre de JPS. C'est vrai. Bon, Cédric? Je pense que. Cédric, ouais, tu nous as saoulé, allez, fous le camp toi aussi. Ainsi s'achève le premier. Le premier. Polo et peut-être le dernier, on verra bien. Ouais, c'est vrai, on verra. Bon, et puis Jean-Pierre Sauzère. Alors si tu m'écoutes, parce que je sais que tu m'écoutes, sache que, excusez-moi, parce que je parle sur la musique de Polo contre le reste du monde et qu'il ne faut pas, mais je tiens à dire que effectivement, il sera banni pendant un temps certain. Voilà. Pour ne pas dire un certain temps. Puisque il a fait le malin, je lui avais dit de ne pas raccrocher, oui. Il a raccroché alors que cette émission pour lui était prévue pour le défendre. Ouais. Parce que Polo était censé le défendre, mais il a encore fait le malin comme d'habitude. Il s'en branle. Et que voilà, donc Vincent ira voir Monsieur Lafitte pour que Monsieur Lafitte lui tire les oreilles, qu'il soit puni. Parce qu'il y a un moment, faut quand même pas déconner, Jean-Pierre Sauzère, je t'ai octroyé une dizaine de minutes sur l'antenne de Fun Radio pour que tu puisses te défendre, alors que hier t'étais là en disant oui mais les gens ont le droit de ne pas m'aimer, il y en a qui m'aiment, etc. Et là dès que quelqu'un ne l'aimait pas, il fallait qu'il l'agresse. Donc Jean-Pierre Sauzère, c'est pas bien cette réaction là, c'est pas bien Jean-Pierre Sauzère. Je suis désolé, c'est pas bien. Espèce de petit con. Voilà, je suis désolé, ce n'est pas bien. Toff, t'arrêtes de donner des sons comme ça pendant que je parle de Jean-Pierre Sauzère, est-ce que c'est clair ? monsieur. Enculé, je va. Non, mais vous êtes une ordure. Oui, il continue. Continue. C'est vraiment continue, un connard. C'est dingue, ça, c'est dingue. Bon, pas de top tuto ce soir, comme on l'avait dit. On remettra le top tuto, c'est évidemment demain à partir de 23h. On sera de retour, bien sûr, en direct. Passez une bonne nuit. Merci à tous ceux d'avoir été connectés, comme d'hab. Il y avait Stéphane, Let's Be Freaks. Il y avait Alexandra, le prince Nadia, Victor. Il y avait Megumi, Logan, Xavier, Morgane et tous les autres. Et puis, j'ai évidemment pas le temps de citer tout le monde, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, vous avez été au top. Merci à Steph d'être passé ce soir. Faire un coucou. À bientôt, Steph. À bientôt. À bientôt. Et puis, nous, on va revenir demain à partir de 23h. Hop, j'ai presque oublié le générique de fin. Ah bah oui, je suis con avec ces conneries là. J'avais presque oublié. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça. Ah non. Cocule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir. Dormir. Manger, t'as t'occulte toute la journée. Votre grand-mère est sus des nains. Ta gueule, garde ta question. Chien, va. Obsédé, va. Écoutez-moi, c'est le petit con. Non, mais vous êtes une ordure. Ferme ta gueule. Du con. Elle vous fait un coup qui se passe une tête de con. Connerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. JB canadien. Écoutez-moi, c'est le petit con. Toi l'enculé, toi le gilet, toi le JB. Ferme ta gueule de merde, toi le JB. Tu m'en dis vite, toi le gilet. T'aimes tellement ça te fait enculer. Enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, merci Lou. Voilà, maintenant on peut fermer la boutique. Allez, on revient demain à partir de 23h. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et c'est notre ami JB qui va débarquer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout, évidemment. Ah bon, bah alors très bien, alors tout va bien. Bon, donc notre ami JB qui va débarquer maintenant, bien, toi, en pleine forme. Bon, Il a assisté à cette première de Polo contre le reste du monde. T'as été excellent, Polo. Je t'aime. J'ai eu Jérôme qui m'a envoyé un SMS. C'est plus 1000 euros demain. Oh, le truc misérable. Ah ouais, ouais. Plus 1000 euros. Eh non. Non, mais c'est la minute. 1000 euros, la minute. La minute, la minute. Je vais balancer tout à l'heure. JB a été convoqué par le sous-chef. Et oui, il a été sermonné. Mais pourquoi faire? C'était pas convoqué. C'était une réunion classique. Non, non, tu t'es fait tirer les oreilles et dire la vérité. À un moment donné, il te fait. Dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas écouté tes passages d'antenne avec Mickaël. Je fais ouais, mais bon, aujourd'hui j'ai pas trop le temps. Ah bah non, une prochaine fois quoi. Donc avec un peu de bol, il va écouter demain. Avec un peu de bol, oui. Bah parfait, parce que alors justement j'avais un son là. Ah. C'est quoi ça? C'est JBS? C'est Jean-Pierre Sauzère qui chante sur du AC/DC. Ouais. C'est du 32K ça hein, quand même. Ouais, effectivement, ça, pour le coup, le son n'est pas terrible. Hein. Oh, n'est pas terrible, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Bon, donc du coup, on embrasse le sous-chef. Bah, on embrasse, bah, évidemment. Bah voilà, c'est ça. On et non, je suis désolé, je ne mettrai pas de rock. Arrête. C'est pas la peine de tous les soirs, il arrive. Il fait des doigts du rock tout à l'heure. Qu'est-ce qui a marqué en dessous du logo de Fun là? Le son. Floor. Voilà. Ah, pourquoi tu arrives toujours en demandant un morceau rock? T'es vraiment relou, hein. Non, il y a un moment que. Je vais aller voir. Tu sais que ça boue chef. Au fond de moi, ça boue au fond mais je de moi. Sais bien, je sais et, bien, mais. Et je me dis qu'un écoute, jour, tout écoute, va sortir. Écoute ça dans ta caisse et arrête de nous faire chier avec ça là. Sandro, défends-moi, on est en couple. Ah non, là. Non, t'es sur Polo en ce moment, je sais pas ce qui t'arrive. Non, non, Sandro. Je suis très vexé. Si c'est vrai, quelque chose. Je suis plus là. Il a tenté de pratiquer une relation. Oui, non, Polo. Il a voulu se taper Polo. Ne dis pas ça. Je suis très vexé. Je vais vous raconter quelque chose avant ma réunion. Polo, c'est faux. La France doit savoir la vérité. La France. Mais la France. Mais tout à l'heure, avant ma réunion avec le sous-chef, il y a Sandro qui est venu. On s'est emballé. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Il a pécho. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est pas moi, ça j'ai la bien définition. Idée, hein. Moi j'ai bien idée hein, de ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire quoi? Bah, tu m'as emballé, tu l'as pécho quoi. Ouais, moi, je trouve ça... c'est l'amour. Moi je trouve ça dégueulasse de la part de Sandro. Hein, son mari Victor est parti depuis même pas deux jours et déjà elle pécho à notre elle mec. Elle fornique. C'est dégueulasse. Scandaleux. Il va partir. Victor qui est donc l'assistante d'Ario. Ouais. Regarde ce que j'ai retrouvé chez moi. Qu'est-ce qu'il a retrouvé? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? Un god? Je vais l'offrir à Sandro. Il a ça, alors, ça tombe du sèche. Faut que je vous raconte quelque offert chose. Offert par? Par passagedesir.fr. Même lui, je connais. C'est offert par Polo. Donc en fait, c'est le cadeau que Polo m'a offert. Ouais. Je vais le mettre sur Twitter. Mais tu sais quoi? En fait, je suis allergique au latex. Et donc chaque fois qu'il le prend en main, il a des boutons. Et donc la dernière fois, je l'ai pris dans ma main et j'avais la main toute rouge. Et tout à l'heure, la dernière fois, j'ai demandé à Polo, mais c'est en latex ton dos. Ouais, et donc en fait, je te l'offre. Mais non, mais c'était à toi. Bah oui, mais je le remets. Mais c'est cadeau, c'est cadeau. Mais je le garde, mais sans roue, on l'utilise quand? Bah tu essayes avec Polo. Elle est jalouse, allez. Ouais, c'est une idée, ouais. À mon avis, je pense que ça doit venir de là. Ouais. Bah, ouais, du coup, il le remet dans son fion, donc c'est très bien, il a raison. Bon, allez, JB jusqu'à 6h du mat. Bon, on va écouter quoi? Bah du très lourd évidemment. L'autre il se remet en mode animateur. On va écouter quoi? Bah du très lourd bien sûr. Fin de radio, le son dance floor. Et Shakira, vous Ariana, 40 minutes de son dance floor non-stop. Ah non, c'est nuit sans pubs. C'est dit. Vrai, et tu es un menteur. Pourquoi? Parce que le soleil se lève à 7h et que la pub revient à 5h30. Ah non, il n'y a pas de pub à 5h30. Ah si, il y a de la pub à 5h30. Ah non, non, non. Ah si, si, 5h33. Il y a un spot concert, mais on on s'en fout, ouais, d'accord. Bon, tu vas zapper la pub? Non, mais il y a... Mais non, jamais. Mais non, mais nuit sans pub jusqu'à 5h30, 6h. Ouais, ça va. 5h30, 6h, 6h. Il y a des radios, il y a de la pub la nuit. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Tu es gay? Gay, bi, hétéro, curieux. Ouais. Qui sert à rien, qui te faut chier toute la c'est nuit. C'est géré par Tof. Ouais, ouais, bah bien sûr, évidemment. Ouais, c'est moi ça. Qui décroche. Tout à fait, c'est lui qui décroche, exactement. Ouais. Lol. Allez, Lol. Tu sais que ça se dit plus, ça s'écrit à la limite, mais ça se dit plus, lol. Ah non, le vieux gars putain, qui fait chaud, il dit PTDR, lol. PTDR, il y a JB qui arrive là, MDR. XD. Oh putain. Oh merde, lol. Allez, n'importe bon, quoi. Il y a quoi qui arrive, Shakira, on pourrait se faire quoi? Tu pourrais faire le cul de Polo ou de Tof, si tu veux. Oh, on peut se faire un vieux l'envie, son. Il est chaud. 2006. Il y a qu'à bouger. Non. Sean Paul et Keisha Cole. C'est vrai, c'est pas mal ça. Give it up to me. C'est un peu plus bas. Tap. Flèche, flèche, flèche. Tu me donnes des ordres là où je rêve. Allez Michel, 4905. 4905, non, c'est quoi, c'est l'auto? Allez Michel, on veut écouter du son là. Oh t'es relou là. Et bah oui, mais moi aussi j'ai envie d'écouter du son. J'aime bien dominer Michel, ça m'excite un peu. Ouais. C'est son fantasme de domination qui l'a souvi. Après avoir pêché au Sandro, Tof et Polo. Ouais, il est content du coup. Hein. Le mec il tourne, il est content. Ah, il est content. T'as vu ce Don Juan quand même? Bah oui, c'est ça. Attends, une vraie salope ce petit jeu. Bah oui, complètement. C'est dingue ça. Et il est content. Et il craint plus que le stagiaire. Bon, du coup, je sais pas quoi mettre pour partir. Pour non, partir. Mais qu'est-ce que je trouve qu'est-ce que je trouve dans la machine de la radio? Ah, c'est bon ça. C'est dans la machine, hein. À mon avis, tape un peu en dessous, tu dois retrouver des trucs sympas. Ouais, j'ai Doc Gynico avec Nirvana aussi. Ah, c'est... Cheveux à tas de Nirvana. Bon, allez, on se quitte avec le son de Michael Moore, tiens, pour faire plaisir à JB. Ah, oh, c'est bon ça. Mais il est toujours en vie. Mais arrête de parler dessus. Mais non, mais on dirait des animateurs d'autres radios qui arrivent pas à se taire. Mais non, mais parce que Mac le mort. Oh putain. Allez, Shakira et Rihanna, on va se mettre ça plutôt. Bonne nuit, à demain 23h après Love in Fun. Ciao. Bisous.